Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission Le calendrier des esclavages et des libérations. Vous êtes donc bien à l'écoute de votre radio, de notre radio, Radio Guémozo. Alors quand je dis votre radio, c'est parce que vous pouvez l'écouter, mais vous pouvez aussi venir faire des émissions, si le cœur vous en dit. Une de temps en temps, ou une régulièrement, c'est vous qui choisissez. Hein. Nous sommes une radio libre. Hein. Voilà. Alors le programme de ce soir, eh bien d'abord il y aura de la musique bien sûr, hein, pas mal de musique, CETA, puis on verra des sujets plus sérieux comme le CETA, vous êtes au service des lobbies, par François Ruffin, et puis il y aura aussi un enregistrement de Pierre Mendès France, enregistrement qui a été fait en 1954-1955, il s'agissait du ver de lait, vous vous souvenez peut-être les plus anciens du ver de lait qu'on pouvait recevoir, boire à l'école, surtout dans les quartiers des villes où il n'y avait évidemment pas trop de lait. Hein. 54-55, c'était assez peu de temps après la guerre et on manquait de pas mal de choses dans pas mal de familles. Alors le ver de lait, c'était une idée excellente de Pierre Mendès France qui malheureusement ne restait que quelques mois au pouvoir. Mais il a tellement bien agi, tellement bien gouverné, que des décennies après, on se souvient encore de lui. Hein, notamment en ce qui concerne la guerre d'Indochine, par exemple. Alors, il y aura aussi un truc, pourquoi je ne voterai pas Mélenchon ? Voilà, hein, ça c'est pas moi qui m'engage, là, c'est quelqu'un qui a fait un petit texte là-dessus, pourquoi il ne votera pas Mélenchon ? Peut-être. Ensuite, le nucléaire en France. Et puis la LCP, la chaîne parlementaire, hein, c'est la chaîne numéro 13, je crois, hein, sur le câble, qu'on peut avoir sur le câble, la chaîne parlementaire. Alors c'est tantôt l'Assemblée nationale, tantôt le Sénat. Et cette chaîne-là fait des émissions avec un contenu souvent très intéressant et un ton qui l'est tout autant. Hein, voilà. Donc, LCP sur la LCP, Éric Coquerel, de la France Insoumise, et Roger Carucci, Territoire, Sénat, etc. Voilà. Ensuite, revue de presse, hein, une petite revue de presse des journaux très récents ou nettement plus anciens. Ça permet de comparer un peu l'actualité toute fraîche ou l'actualité un peu plus ancienne. Hein, de voir les choses qui évoluent et les choses qui restent sur place, qui n'avancent pas. Hein. Ensuite, il y aura les riches, les pauvres. Greta Thunberg répond avec ironie aux députés qui ont quitté l'Assemblée nationale parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents d'être interpellés par une demoiselle qui vient de Suède, en plus, pour leur faire la leçon. Elle n'aura pas fait la leçon, elle aura simplement dit « Écoutez les scientifiques ». Écoutez les scientifiques. Hein, voilà. Elle ne fait pas de politique dans le sens, dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Elle se limite à informer les gens. Et puis aux gens ensuite de prendre leur position et de décider ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent décider, ce qu'ils veulent pour les générations à venir. Hein, parce que les anciens vont partir, mais ceux qui viennent derrière vont subir les conséquences de nos bonnes ou de nos mauvaises actions, notamment concernant le climat, concernant le nucléaire, concernant le glyphosate, concernant etc. etc. Voilà. Alors Greta Thunberg, qui est très convaincante, elle parle assez peu, elle fait des discours très courts, elle fait des phrases courtes, hein, et elle a une détermination qui fait plaisir à voir, hein, de voir des jeunes de cet âge-là, 16 ans, qui sont déjà aussi déterminés, ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça veut dire que notre société, que la société humaine n'est peut-être pas aussi en danger qu'on pourrait le penser. Hein. Il y a peut-être de l'espoir quand même. Hein. Voilà, et il faudrait donner le droit de vote à ces jeunes-là, à ces adolescents-là, et même il y a même des enfants qui mériteraient d'avoir le droit de vote, alors qu'il y a des adultes qui mériteraient de ne pas l'avoir, le droit de vote. Parce que, parce qu'il y a quelquefois un niveau de bêtise qui fait que c'est pas l'âge qui fait la raison. L'âge de raison, ça commence quand ? Alors, ensuite, les hypocrites applaudissent Greta Thunberg, et... Eh bien, un quart d'heure après, ils votent le CETA. Voilà, hein? Alors, on peut quand même dire que nos députés vosgiens ont tous voté contre. Bravo. Alors là, je dis bravo. Ah oui. Ah, bravo. Faut qu'ils continuent comme ça et ça sera très bien. Ah oui. Il y a des députés du centre ou de droite qui mériteraient d'être de gauche. Ah oui, ils mériteraient vraiment, hein. Ah oui. Faut qu'on leur dise quand on aura l'occasion, hein, parce que bon oui, de gauche, ça se mérite. Hein. C'est pas un truc comme ça qu'on reçoit à la naissance. Hein. Il faut travailler un petit peu. Il faut écouter. Il faut lire. Il faut regarder. Il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Peser le pour et le contre, et puis un jour, comme ça, comme par miracle, eh bien, on s'aperçoit qu'on est de gauche. Alors, après, à propos de gauche, je vous propose maintenant de changer de l'indicatif de cette émission, hein, et ce sera, c'est un indicatif de musique instrumentale, sans parole, eh bien maintenant, il va y avoir des paroles. Et je vous propose le chiffon rouge, parce que c'est une chanson qui est tout à fait en accord avec le contenu de l'émission Le Calendrier, Calendrier des esclavages et des libérations, premièrement. Et puis deuxièmement, on est arrivé à une période où il est bon de rappeler que Radio Guimauzo a environ 38 ans et qu'au début, des premières émissions qui étaient faites, Raymond, Luce et d'autres, et moi aussi, eh bien, c'était des émissions à contenu, hein, surtout à contenu. Bah, on avait fait cette radio-là pour donner du contenu, pour donner aux gens, aux auditeurs, le contenu qu'ils n'avaient pas ailleurs, ou pas suffisamment, ou trop tard, ou etc. Donc, voilà, on a fait cette émission, cette radio-là, qui s'appelait Radio Trait d'Union, à l'époque. Radio Trait d'Union qui a changé de nom, on ne sait pas trop pourquoi, bah parce qu'on a déménagé chemin du Guémozon, mais bon, après comme on est descendu à rue de l'Église, et puis qu'ensuite on est venu à Saint-Étienne, vous voyez, on a changé de lieu plusieurs fois, et bah oui, le Guémozon n'était plus chemin du Guémozon. Hein, ben on a quand même gardé le nom parce que bon, voilà, hein, ça aurait été embêtant de refaire chaque fois une démarche à la préfecture pour dire ben voilà, on change de nom, on change de nom. Bon. Alors on a gardé, voilà. Mais le trait d'union, c'était bien, et le chiffon rouge, c'était une des toutes premières émissions. Et alors évidemment, le titre vous laisse entendre que le contenu n'était pas de droite. Hein, c'était pas du gnangnan, c'était pas du mollasson, c'était pas du tiède. Hein, ça disait ce que ça disait. Voilà. Hein, c'était une émission d'opinion. Voilà. Et alors, donc, indicatif de fin, ce sera le chiffon rouge, et ce sera désormais le nouvel indicatif du calendrier des esclavages et des libérations. Alors, je vous souhaite là-dessus une bonne soirée et puis une bonne nuit. Calendrier des esclavages et des libérations. Le 29 juillet. Le 29 juillet 1830, en France, Thiers escamote la Révolution. C'est pour ça qu'il a des rues Thiers dans toutes les villes. Hein? Bien sûr, parce que les bourgeois au pouvoir ont voulu marquer que les révolutions, c'était pas bien. Il fait afficher un placard qui promet une charte et qui préconise l'appel à Louis-Philippe en remplacement de Charles X. La victoire populaire est sur le point d'être récupérée. Le règne de la bourgeoisie industrielle commence. Le règne de la bourgeoisie industrielle commence. Nous ne sommes pas en 2019 en Macronie, nous sommes en 1830 en France. 1869, France, à Lyon. La grève des ovalistes s'achève. Elles ont obtenu, les ovalistes, elles ont obtenu formellement 2 heures de travail en moins, mais pas d'augmentation de salaire. La commission ovaliste devient la première section féminine de l'Internationale, avec un I majuscule international. Karl Marx propose qu'un mandat syndical soit donné à Philomène Rosa pour participer au congrès de l'Internationale à Bâle. Elle ne s'y rendra pas, elle entrera dans la légende, voire les grèves ovalistes après le 11 juillet. 1881, France. Le Parlement adopte la grande loi sur la liberté de presse. C'est une véritable charte du journalisme, l'aboutissement de la longue lutte menée pendant tout le XIXe contre un pouvoir jugulant l'information. Vous vous rendez compte? Un pouvoir jugulant l'information. 1881, c'est la vieille histoire, hein. Maintenant, sous le règne d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de problème avec l'information, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'aboutissement de la longue lutte menée pendant tout le 19e siècle contre le pouvoir jugulant l'information. Le pouvoir jugulant l'information. Alors, qu'est-ce qu'il va chercher? 1890, France, une explosion dans la mine de Villebeuf fait 119 morts et 91 blessés. Ce n'est qu'une date dans une longue série d'accidents causés par une exploitation au mépris de la loi. Entre 1885 et 1887, sur 276 474 mineurs, il y a 474 morts et 48 808 blessés. 474 morts et 48 808 blessés. C'est pas en France en 2019 qu'on verrait des choses pareilles, hein. C'était bien en 1890. Bon. 1914, France. Un manifeste de la CGT déclare: les gouvernements ont le peuple français avec eux si, comme on le dit, ils travaillent sincèrement pour la paix. La bataille syndicaliste rapporte les paroles du ministre de la Guerre au Conseil des ministres du 29 juillet. Laissez-moi la guillotine, je vous garantis la victoire, que ces gens-là, c'est-à-dire les militants ouvriers, ne s'imaginent pas qu'ils seront simplement enfermés en prison. Il faut qu'ils sachent que nous les enverrons au feu. S'ils ne marchent pas bien, eh bien, ils recevront des balles par devant et par derrière. Après quoi, nous en serons débarrassés. 1914. Aucun homme politique en France, en 2019, ne tiendrait ce genre de propos. Hein? Non, on est sûr. 1914. Le bureau de la Deuxième Internationale appelle tous les prolétaires à intensifier les manifestations contre la guerre. Le bureau de la Deuxième Internationale appelle tous les prolétaires à intensifier leurs manifestations contre la guerre. 1914. 29 juillet 1914. Si on les avait écoutés. 1916, Allemagne. Rosa Luxembourg est une nouvelle fois arrêtée. Elle aussi, elle lutte contre la guerre. Accusée de crimes de haute trahison, elle sera transférée de prison en prison. Son seul crime, c'était de lutter contre la guerre. Donc les socialistes français et les socialistes allemands, ensemble, luttaient contre cette guerre dont on ne savait pas encore, mais qui a fait par la suite 8 millions de morts. 8 millions de morts. Les politiciens de cette époque-là qui ont déclenché la guerre ont sur la conscience 8 millions de morts. 8 millions de morts, ces salopards. 1970, Espagne. Grève dans le métro de Madrid. Les ouvriers demandent une journée suivie de 7 heures. La pension à 60 ans, hein, Espagne, 1970. Ainsi que l'égalité des salaires pour les hommes et les femmes. La grève dure 22 heures. Un conseil des ministres convoqué d'urgence décrète la mobilisation militaire des grévistes. Décrète la mobilisation militaire des grévistes. Ah, la démocratie espagnole. En Espagne, il y a eu des républicains, des démocrates, mais il y a eu aussi des fascistes. Hein, des franquistes, c'est le même genre. 1970, Espagne, grève dans le métro de Madrid. Les ouvriers demandent une journée suivie de 7 heures, la pension 60 ans, etc. Voilà. 1980, Pologne, dans plusieurs villes, mouvement revendicatif important suite aux fortes augmentations du prix de la viande. 1983, il y a aujourd'hui plus d'esclaves dans le monde qu'au moment de l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne en 1833. Le rapport de la Société anti-esclavagiste de Londres, repris par Le Matin de Paris de ce jour, constate que près de 100 millions d'hommes vivent encore aujourd'hui dans des conditions d'asservissement. C'était en 1983. Voilà. Alors, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Il s'agit de le transformer, signé Karl Marx. Thank you. permafrost du pôle Nord fond 70 ans plus tôt que prévu, et c'est une catastrophe. Voilà la nouvelle écologique, la nouvelle dramatique du jour. Hier, dans la ville la plus au nord du monde, à Alert, au Canada, justement, un record de chaleur a été enregistré. Plus 21 degrés à Alert, donc, une ville qui porte bien son nom, car ça devrait nous alerter. On va crever de chaud. On va crever, tout court. On fabrique l'enfer sur Terre avec les températures de l'enfer. Je suis sûr que le soir, nu, entre vos draps, dans le silence de vos consciences, vous êtes comme inquiet, angoissé pour vos enfants. Je le suis pour les miens. L'envie de chialer quand je songe au monde dévasté qui se dessine, qu'on leur laissera. Cette inquiétude, cette angoisse, dans vos rangs, dans tous les rangs, dans notre commune humanité, nous la partageons. Mais le matin revient. Le costume, le maquillage, la fonction. Et alors vous nous proposez quoi? Le CETA, le Canada-Europe Trade Agreement, un traité de libre-échange, un de plus, qui comporte 96 fois le mot concurrence, mais 0 fois le mot réchauffement, 0 fois biodiversité, dont le grand absent est le climat. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Schubert, commandé par le Premier ministre lui-même. Des experts qui tranchent franchement. Oui, l'Europe pourra bien importer de la viande bovine nourrie aux farines animales, dopée aux antibiotiques, avec 46 molécules en prime, l'acéphate, l'amitrase, la trazine, 46 molécules qui détruisent les rivières ou refilent le cancer, 46 molécules interdites en France, interdites à nos agriculteurs et que nous allons pourtant importer dans nos assiettes. Contre tout ça, le rapport l'affirme clairement, rien n'est prévu. Les mêmes experts redoutent, je les cite, une harmonisation par le bas. Et ils concluent, le CETA ne donne pas la priorité à la protection de l'environnement ou à la santé. Mais alors, quelle est votre priorité? Avant la santé, avant l'environnement, le commerce, le commerce. La planète brûle, mais pour vous, c'est business as usual. Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. Ce n'est pas en installant 3 éoliennes qu'on va y arriver. C'est pas moi qui le dis à nouveau, c'est Nicolas Hulot. Et il poursuit, mais avant que nos élites l'intègrent, je pense qu'on sera tous calcinés. Voilà les élites que vous êtes. Des élites inconscientes, des élites qui calcinent la planète, des élites qui portent la mort. Mais pourquoi? Pourquoi, bon sang? Pourquoi vous, votre majorité, le président de la République, la Commission européenne, pourquoi vous allez ratifier cet accord? Parce que vous n'êtes pas au service des Français ni de l'Europe. Vous êtes au service des lobbies. Inconsciemment, sans doute, monsieur le président. Sans doute, mais vous êtes au service des lobbies. Oui, car ce traité n'est pas né des peuples qui se seraient dit « Tiens, on va se tendre la main par-dessus l'océan et pour ça, on va négocier 2344 pages de réglementation et on va signer un trade agreement. » Heureusement, l'amitié entre les Français et les Canadiens, les échanges de chansons, de littérature, d'idées, d'amour, de soldats aussi, n'ont pas attendu cette cochonnerie de CETA pour ça. Non, ce traité est né d'un lobbyiste, je peux le nommer, Jason Langrish, avocat d'affaires qui préside à Toronto la table ronde de l'énergie, c'est-à-dire le lobby du pétrole. Et derrière lui, il a rassemblé 17 lobbies. Je peux les nommer aussi. Ce sont les Canadian Manufacturers, la Fédération Européenne des Industries Pharmaceutiques, l'Association Canadienne de l'Industrie Chimique, Business Europe. Et derrière ces lobbies, Arcelor, Monsanto, Alcan, Total, Lafarge, Rio Tinto, les pires firmes. Et les clients de M. Jason Langrish, les pétroliers, peuvent d'ores et déjà se frotter les mains. Depuis l'automne 2017, depuis 2 ans à peine que le CETA est expérimenté, les exportations de pétrole canadien vers l'Europe ont bondi. Plus 63%. Du pétrole issu pour beaucoup des sables bitumineux qui ravagent l'Alberta, mais peu importe. Et peu importe également que ce pétrole émette moitié plus de gaz à effet de serre que le conventionnel. Consciemment ou inconsciemment, voilà quels intérêts vous privilégiez. Toute la société française est aujourd'hui contre cet accord. Toute la gauche ici, la droite pour l'essentiel. Les syndicats de travailleurs, tous les syndicats de travailleurs. Les syndicats d'agriculteurs, tous les syndicats d'agriculteurs. Les associations environnementales, toutes les associations environnementales. Vous êtes seuls. Vous êtes seuls avec le MEDEF. Vous êtes seuls avec Jason Langrish et ses amis du multinational. Vous êtes seuls. Et je n'en appelle pas à vous. Je n'espère rien de vous. J'en appelle aux citoyens français, aux citoyens canadiens, pour coopérer ensemble, bien sûr, par-dessus l'Atlantique. Pour remettre comme priorité naturelle, normale, évidente, l'environnement et la santé.

Xavier Mauduit. Dans quelques jours, la cantine à 1 euro et le petit déjeuner gratuit dans les écoles des quartiers défavorisés. Une décision du président Macron qui vous a fait penser au président Lolo. C'était Mendès France, oui. C'était le verre de Lolo. Le verre de lait de Mendès France, président du Conseil, le 18 septembre 1954. Pierre Mendès France profite dès la rentrée des vacances pour s'adresser aux jeunes Français dans une allocution radiodiffusée. Il les appelle mes petits amis et il leur dit que pour être studieux, solide, vigoureux, fort, ils recevront désormais un verre de lait sucré à l'école. Tous les jours, mais c'est la joie pour les éleveurs bovins, c'est la joie pour les vaches, et c'est la grosse colère chez les vignerons. Eh oui, parce que nous sommes dans les années 1950, quand il est encore courant que le gamin vienne à l'école avec son quart de lait. Vous-même qui avez été élevé comme ça à Vigne. Oui, c'est ça, on était élevé au Calva. C'était des beaux bébés. Mais, non, alors, le gouvernement ne peut pas accepter ça parce qu'il est en pleine lutte au même moment contre les ravages de l'alcoolisme. Et par ce verre de lait, Mendès France fait un choix politique. Gouverner, c'est choisir, c'est ce qu'il écrit au même moment, quitte à se mettre à dos une grande partie de l'électorat, l'électorat paysan, les vignerons et les producteurs de betteraves. Alors, pour les betteraves, ça peut aller parce qu'elles vont plus aller à la distillerie, elles vont aller vers les sucreries. Hein, le lait, il est sucré, donc ça, ça passe. Mais pour les vignerons, c'est la goutte de lait qui fait déborder le verre. D'autant que la France est traversée au même moment par un mouvement de contestation, on parlerait aujourd'hui de populisme. Il est mené par Pierre Poujade. C'est le poujadisme, alors qu'il lui voit dans l'interdiction du vin pour les enfants, mais une attaque à l'identité française, c'est un truc de folie. Et Mendès France est pris pour cible. Vous savez, Mendès France est issu d'une famille juive du Portugal, Mendes de Francia, qui est venue en France au XVIIe siècle, et pourtant, ça n'empêche pas Poujade de dire que Mendès France n'a de français que le mot ajouté à son nom. France, c'est hideux. Complètement hideux, c'est complètement laid, c'est complètement une attaque très vache, mais il pourrait bouillir de colère, Mendès France. Eh bien non, il ne déborde pas. Il garde le cap, il va même encore plus loin. Il ne se limite pas aux écoles. Le lait sucré, c'est aussi pour les casernes. Allez hop, les vidas ont droit à leur lait sucré. Alors je vous rassure, eux, ils ont aussi quand même le pipa qui reste. Oh, ben, sinon, on risquait la mutinerie. Et vous savez, c'est intéressant de voir que aujourd'hui, dans les années 50, et même à d'autres moments, régulièrement, le pouvoir fait attention à l'alimentation des enfants. C'est essentiel pour la socialisation, pour la scolarisation. Tout psychologue de l'enfant, tout pédiatre vous le dira, Françoise Dolto notamment, ou mieux, son fils, Carlos. T'es vache. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler un bon coup. Eh ben voilà. Rigole un bon coup. Un autre temps. Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'aura finalement pas mon vote. Alors, ragez pas dès le début de la vidéo, regardez-la en entière. J'ai des arguments, vous serez d'accord ou pas, on débattra de tout ça dans les commentaires. Pour commencer, si Jean-Luc Mélenchon est élu, il va mettre en place des mesures et des outils qui vont permettre de donner plus de pouvoir au peuple et donc d'améliorer notre démocratie. Ma chaîne YouTube est basée uniquement sur le fait que je critique notre système non démocratique. S'il devient démocratique, bah ça fera baisser mes vues. Vous y avez pensé à ça ? À tous les youtubeurs là qui critiquent la politique constamment, là ils seront obligés de proposer des nouvelles idées. On n'a pas signé pour ça, nous. Pour rester sur la démocratie, il veut une 6ème république écrite par le peuple. Mais ça va être une catastrophe. Bah oui, mais les gens sont stupides. Regardez-moi, regardez-vous. Vous êtes pas d'accord pour dire qu'on est des gros débiles incapables de réfléchir ? Moi je dis, il faut pas donner autant de pouvoir aux gens. Moi je dis, on devrait laisser le pouvoir politique aux professionnels. Aux politiciens qui savent mieux ce dont le peuple a besoin. Par exemple, François Fillon ou Patrick Balkany. Et puis Mélenchon, là. Il veut baisser la durée du temps de travail à 32 heures par semaine, pour que les gens aient plus de temps libre et puissent se cultiver. Mais grave erreur! Parce que si les gens sont plus cultivés, eh bien ils vont mieux comprendre le monde qui les entoure. Et donc ils vont revendiquer plus de pouvoir politique pour agir directement. Moi je vous le dis, hein, c'est un cercle vicieux qui nous amène vers trop de démocratie tout ça. Pour continuer sur l'économie, il veut que l'écart entre les salaires soit au maximum de 1 à 20. Ça veut dire que le patron ne peut se payer que 20 fois plus que l'employé le moins bien payé. Vous y avez pensé au pauvre patron là qui ne gagnera que 20 fois le SMIC, c'est-à-dire à peu près 25 000 euros par mois ? Hein ? Comment on peut vivre décemment avec 25 000 euros par mois ? On peut même pas s'acheter un deuxième yacht. S'il veut gagner plus d'argent, il devra obligatoirement augmenter le salaire de ses employés pour pouvoir augmenter le sien ensuite. Ah, cette solidarité dans l'entreprise, ça nuit à la compétitivité. D'ailleurs, en parlant du SMIC, Mélenchon veut l'augmenter. Bon, En vrai, ça c'est une bonne mesure parce que si les gens ont plus d'argent, ils pourront plus cotiser sur mon Tipeee. Ensuite, il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon est un écolo. Et comme le dit BFM TV, l'écologie c'est un problème de bobo. D'ailleurs, ce bobo là de Nicolas Hulot, il a voté pour Mélenchon en 2012. Mélenchon c'est tellement un bobo écolo qu'il veut sauver les animaux. Il veut qu'on arrête de les massacrer comme si c'était des objets. Mais les animaux sont des objets. Ils n'ont pas d'âme, ils ne ressentent même pas la douleur. Et ils sont heureux de vivre en captivité toute leur vie pour ensuite être tués dans des conditions affreuses. Après tout, Dieu a créé les animaux pour nourrir les hommes. Non ? Et puis, il n'y a pas des trucs plus importants que l'environnement ? Sérieusement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu des risques d'explosion nucléaire, du réchauffement climatique ou des catastrophes naturelles qui tuent des millions de gens ? Je vais vous poser une question très sérieuse. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé de pouvoir jouer à Fallout dans la vraie vie ? Vous baladez dans les terres désolées à essayer de survivre et de trouver quelques capsules pour vous acheter une bouteille de Nuka-Cola irradiée. Et puis bon, Mélenchon il est contre les centrales nucléaires, mais il est aussi contre les bombes nucléaires. Il voudrait que tous les pays se désarment progressivement. Mais comment vous voulez qu'on atteigne un monde post-apocalyptique comme dans Fallout si les pays n'ont même plus d'armes nucléaires quand ils se font la guerre ? Bon, de toute façon c'est mort pour Fallout avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est contre la guerre. Moi je trouve ça stupide. Une bonne guerre ça permet de réduire le chômage et ça permet surtout de relancer l'économie parce qu'il faut reconstruire tout ce qu'on aura détruit. Combien de fois il va falloir qu'on vous le répète ? La paix ce n'est pas rentable économiquement. Et comme le dirait Fillon, vous voulez quoi ? Hein ? Qu'on augmente la dette ? Parlons sérieusement un peu. Et puis tout son programme là à Mélenchon, ça fait plus de 10 ans qu'il le propose et qu'il ne change pas d'avis. Et ma maman elle m'a dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc Mélenchon ça doit être un con. Et pour finir, je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon car il est trop colérique. Et comme le disait l'abbé Pierre, si nous sommes sans colère quand nous voyons les autres bafoués, exploités, humiliés, il est clair que nous ne les aimons pas. Et Mélenchon, il doit beaucoup aimer les gens, vu comment il râle tout le temps. Et dans la politique, il faut se baser sur la raison, pas sur l'émotion. Parce que s'il commence à ressentir de l'empathie pour les autres, où c'est que ça va nous mener ? Il va vouloir les aider et tout ? Non, pas de ça chez nous, hein. Bref, j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faut pas voter pour Jean-Luc Mélenchon si vous voulez avoir la possibilité de jouer à Fallout dans les rues. Et pour ceux qui se demandent pour qui je vais voter puisque je ne vote pas pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien je pense que je voterai pour la France Insoumise. Comment ça c'est la même chose Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ? Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on n'aura finalement pas de monde post-apocalyptique et qu'on ne pourra pas jouer à Fallout dans les rues ? Mais comment on va s'amuser là ? Moi j'en ai marre, hein. Je retourne à mes jeux vidéo, allez, bonne journée. infrarouge, des films sans concession. Sans concession. Très clairement, c'est un fardeau qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants. Dangereux ou sûr? Indispensable ou tout à fait remplaçable? Où est la vérité en ce qui concerne le nucléaire? Depuis Fukushima, on ne sait plus quoi penser. Il n'y a pas de source d'énergie sans aucun danger, il n'y en a pas. Aucune certitude ne peut être avancée sans déclencher une série de réactions en chaîne chez les pros et les anti-nucléaires. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème de savoir-faire. C'est un vrai choix de société. Sans a priori, mais avec la volonté irréductible de comprendre, Jean-Charles Deniaux dresse ici un état des lieux précis et nécessaire. Faites-vous votre propre opinion. Nucléaire, la grande explication, à suivre tout de suite dans Infrarouge. Ce caillou, c'est de l'uranium. C'est un produit qui, vous le savez, aujourd'hui, est au centre du débat. Notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. La majorité du peuple français a choisi l'indépendance nucléaire parce que c'était un choix de courage. Je ne suis pas favorable à la politique du tout nucléaire. Le pétrole a fait beaucoup plus de nuisances avec les marées noires que n'en ont jamais fait les centrales nucléaires. On ne peut sortir du nucléaire que si seule la société est prête à sortir du nucléaire. Moi, j'en ai marre qu'on considère que seul le nucléaire permet d'assurer l'indépendance énergétique de la France. La sortie du nucléaire est à mes yeux irresponsable. Parce qu'il n'y a pas d'alternative au nucléaire pour éviter les dégâts du passage du pic pétrolier. Sortir du nucléaire, c'est sortir de la dépendance de l'atome, comme il faut sortir au XXIe siècle de la dépendance du pétrole. L'avenir du nucléaire en France mérite une grande explication. En sortir totalement ou partiellement engagera l'avenir énergétique de notre pays pour plusieurs décennies. Les citoyens méritent donc d'avoir en main tous les éléments du dossier, sans a priori, sans arrière-pensée, sans polémique, avec le recul nécessaire pour juger. Nucléaire civil et nucléaire militaire ont toujours été étroitement liés. À l'origine, la volonté des États, c'était principalement de se doter de la bombe atomique. La base de tout ce nucléaire reposait sur le secret et malheureusement, le civil est né du militaire. Donc il a gardé pendant longtemps cette tâche et n'avait pas l'intention de s'ouvrir très rapidement. Tu fabriques quoi là-bas ? L'électricité. Moi, j'ai un cousin qui travaille là-bas. Il a peur ? Non. Né dans l'opacité du secret défense, l'énergie nucléaire dans les années 60 n'attire pas encore la méfiance de la population. Les premiers écologistes la considèrent même comme une source d'énergie propre et bon marché. Les Français qui ont toujours été préoccupés pour des raisons historiques par l'indépendance énergétique, on choisit cette source d'énergie parce qu'il faut reconnaître aussi qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, la France était en pointe dans la recherche nucléaire. Et par conséquent, lorsque le choc pétrolier est apparu, la seule solution nationale réaliste, c'était de faire appel au nucléaire à grande échelle. Le programme a été lancé. Ce programme a coûté cher à EDF puisqu'il a fallu qu'ils empruntent 250 milliards de francs de l'époque, bien sûr. Et ce montant n'a permis de construire que 58 réacteurs. Et ces 58 réacteurs, c'est ceux que nous avons maintenant et que nous devons gérer. À l'heure actuelle, n'oublions pas que le nucléaire, c'est 75% de la production d'électricité en France. Donc c'est relativement important. Thank you. Toutes les centrales ont été construites les unes après les autres pour une durée de vie initiale de 40 ans. La plus ancienne, Fessenheim, en Alsace, atteindra bientôt cette limite d'âge. La décision de l'arrêter en 2016 a été prise. Mais au-delà du symbole, Fessenheim focalise la grande question qui va se poser bientôt pour les autres centrales françaises. Faut-il ou non prolonger l'activité des réacteurs en fin de vie ? Il y a plein de gens qui nous ont dit Fessenheim, c'est le réacteur le plus sûr du monde, parce que vous comprenez, on l'a regardé tellement souvent que manifestement, on fait un check-up tous les 5 ans, c'est formidable. Et moi, j'ai tendance à répondre, moi, je suis un vieux monsieur de 70 ans, on me fait des check-up tous les 5 ans, mais je suis quand même moins en forme que quand j'avais 20 ans. Alors, c'est un peu comme une vieille bagnole. On a tout changé, on a refait les peintures, on a changé les tuyaux. Sur une vieille bagnole, on change les pare-chocs et puis les sièges. Mais on a gardé et le moteur, c'est-à-dire la cuve du réacteur, et le châssis, c'est-à-dire le radier. Fessenheim est donc particulièrement surveillé par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Considéré comme le gendarme du secteur, cet organisme indépendant impose les mesures qu'il juge utiles pour assurer la sécurité des installations. Après la catastrophe de Fukushima, l'ASN a publié un rapport pointant les travaux qu'EDF doit impérativement réaliser pour que Fessenheim poursuive son activité. Nous avons jugé en conscience que nous pouvions autoriser Fessenheim à continuer à fonctionner pendant 10 ans. Mais nous imposons un certain nombre de choses à Fessenheim, et en particulier, nous imposons un épaississement du radier. Alors, le radier, c'est la couche de béton sur laquelle la centrale est fondée. Donc nous imposons un épaississement de cette couche de radier de 1,50 m jusqu'à 3 m, et ceci doit être fait avant l'été 2013. Décision de notre part. Sauf que, en ce qui concerne l'épaisseur, on est Ricérac au ras de la nappe phréatique. Donc on ne peut pas injecter du béton par en dessous, donc il faut essayer de l'injecter par au-dessus. On peut faire ce qu'on appelle un cendrier, c'est-à-dire un récupérateur en cas d'accident grave du combustible qui a fondu. Mais dans les centrales anciennes, ça va être compliqué à le faire. Je vois pas comment on va le faire. Épaissir ce fameux radier est d'autant plus nécessaire qu'à Fukushima, il avait une épaisseur de 7 mètres. Et plus d'un an après l'accident, nous ne savons toujours pas si le combustible fondu à 2500 degrés n'a pas traversé le béton. Ces travaux, extrêmement coûteux, seront-ils effectués avant la date prévue pour la fermeture de la centrale ? Il y a un autre gros problème ici à cette centrale. Il ne faut pas oublier qu'à Fukushima, la centrale était construite au-dessus du niveau de la mer. À Fessenheim, la centrale est construite en dessous du niveau du canal. On se demande même comment, à l'époque, les architectes ont pu imaginer de la construire d'une telle manière. Fessenheim accumule les spécificités. Elle est non seulement située en contrebas d'une digue, mais aussi sur une faille sismique et au-dessus d'une nappe phréatique qui va de Bâle à Rotterdam. Fessenheim est conçu pour résister à un séisme 5 fois plus important en énergie que le séisme le pire qui soit arrivé dans la région. C'est le séisme de Bâle en 1356, de 6,2 sur l'échelle de Richter. Et on s'aperçoit qu'il faut faire quelques compléments sur quelques bâtiments, pas grand-chose, que l'on va faire suite à l'évaluation complémentaire de sûreté. Donc vous voyez, on est vraiment en train de repousser la probabilité, le risque qu'un séisme ait des conséquences sur Fessenheim. C'est une vraie question à laquelle le rapport post-Fukushima ne répond qu'en partie, en disant voilà les améliorations qu'il faut faire par rapport au risque sismique et à l'inondation. Mais par exemple, les agressions extérieures, on n'en parle pas. La résistance au choc frontal d'un avion gros porteur type septembre, 11 septembre, on n'en parle pas. Et donc, il reste beaucoup d'interrogations. Vous voyez derrière moi 2 piscines. Dans ces fameuses piscines, il y a le combustible irradié que l'on met à séjourner avant de l'évacuer en tant que déchet. Vous voyez le bateau qui est là-bas. Si sur ce bateau, il y avait une personne mal intentionnée, elle pourrait envoyer le moindre roquette vers l'un de ces bâtiments piscines qui n'est pas protégé. Or, l'autorité de sûreté nucléaire ne prend pas en considération le risque terroriste. Elle considère que ça fait partie de la défense nationale. Mais dans le village de Fessenheim, c'est la décision de fermer la centrale qui préoccupe le plus les 2300 habitants. Car ils sont les premiers bénéficiaires de la présence de cette installation dans leur commune. Les emplois ne seront certainement pas conservés comme certains le prétendent. Et puis surtout le bassin de vie aussi, donc on a regardé, ça représente quand même 200 petites et moyennes entreprises qui travaillent pour un donneur d'ordre comme EDF. Donc tout ce bassin de vie serait amené à être peut-être une région morte. Ces gens, ils vivent, ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils préfèrent vivre avec le danger plutôt que de chercher à le combattre. Mais ça, c'est la population très locale ici à Fessenheim. Mais dès qu'on fait quelques kilomètres, qu'on s'éloigne, il y a une prise de conscience énorme de ce risque nucléaire. Les populations ailleurs demandent à être protégées et ne veulent pas vivre pour le confort de la municipalité de Fessenheim dans un risque permanent. Parce que la municipalité de Fessenheim, il ne faut quand même pas oublier quelque chose, ils ont le budget d'une ville de 8000 habitants. Alors bien sûr, ils vivent le grand luxe. Et vivant le grand luxe, ils ne veulent pas en sortir. Fessenheim va encore fonctionner encore pour quelques années. Il y a à peu près 700 personnes. Une grande partie sera partie à la retraite quand elle s'arrêtera. Il faudra encore maintenir des gens sur site pendant un certain nombre de temps. Il y aura d'autres sources d'énergie à développer qui offriront des opportunités. Il y a d'autres besoins dans d'autres centrales. Donc il y a des réponses qu'on peut apporter si on prépare les choses. Les autres centrales françaises n'ont pas autant de problèmes que celles de Fessenheim. Mais dans les 10 ans à venir, la question du prolongement de 21 réacteurs va se poser, avec, d'ici là, les risques qu'implique le vieillissement du matériel. C'est ainsi que des micro-fissures sur les cuves de 10 réacteurs ont été signalées dans un rapport de l'ASN. Nous avons le pouvoir de fermer des installations, c'est tout à fait clair. S'il s'agissait un jour de dire qu'il y a un défaut générique sur un nombre considérable de réacteurs d'EDF, au point de mettre totalement en danger l'alimentation électrique de la France, il est tout à fait évident que c'est un problème qui appellerait une décision de nature politique. Et là, évidemment, je souhaite bien du courage à cette autorité de sûreté nucléaire qui aurait le courage de dire « nous devons arrêter l'ensemble des réacteurs immédiatement ». Et là, évidemment, je pense qu'il y aurait des pressions politiques extrêmement fortes. Quoi qu'il en soit, après la fermeture de Fessenheim, les prises de décision sur l'avenir des 56 réacteurs restants ne pourront se faire qu'au grand jour. Et depuis Fukushima, la sûreté de nos centrales nucléaires est devenue un sujet de préoccupation. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait faire du nucléaire qu'à 3 conditions. La sûreté, plus haut niveau de sûreté, la sécurité, plus haut niveau de sécurité, et la transparence. Quand on a eu des accidents comme Tchernobyl, Fukushima ou Three Mile Island, le mot sûr est complètement erroné. En France, les installations sont autorisées pour une durée qui n'est pas fixée. Les autorisations sont données et valent tant que l'installation est jugée suffisamment sûre. Civo est la centrale la plus récente qui a été mise en service il y a un peu plus de 10 ans. Donc là, nous vivons aujourd'hui la première visite décennale où tous les matériels vont être démontés et contrôlés. Plus de 800 inspections par an, et puis un examen périodique de sûreté, où nous regardons les choses encore plus à fond, et où nous prenons parti. Nous pouvons avoir des programmes de maintenance qui visent à tenir 60 ans. C'est tous les 10 ans, nous avons un réexamen global de sûreté, c'est-à-dire c'est un dossier de sûreté que nous vous présentons à l'autorité de sûreté nucléaire, et c'est sur la base de ce dossier et des éléments qui sont apportés, que l'autorité de sûreté va nous autoriser à fonctionner 10 ans supplémentaires. Notre doctrine est extrêmement claire. S'il y a du nucléaire, il doit être sûr. Si les précautions sont telles, c'est que la technologie nucléaire est extrêmement sensible. Les sources d'accidents sont multiples et imprévisibles. On utilise une matière première en apparence inoffensive, le minerai d'uranium. Mais une fois traité par l'homme et introduit dans un réacteur, il devient hautement dangereux. Un réacteur nucléaire, c'est un espèce de très gros chauffe-eau qui produit beaucoup de vapeur. La vapeur entraîne une turbine, la turbine entraîne un alternateur, ça fait de l'électricité. Et le combustible nucléaire, c'est comme la résistance du chauffe-eau. Donc ça sert à chauffer. Mais au lieu de chauffer avec du courant électrique, ça chauffe en utilisant des combustibles où il y a des fissions, c'est-à-dire où des neutrons cassent des gros noyaux pour en faire deux petits en libérant beaucoup de chaleur. Et c'est cette chaleur qu'on utilise. Et donc vous produisez de l'eau chaude à 330 degrés, ce qui est d'ailleurs pas très élevé. Et à partir de ça, vous faites de la vapeur et de l'électricité. Mais il faut absolument que ce réacteur, même quand il est arrêté, se refroidisse. C'est-à-dire que l'eau qui passe pour recueillir la chaleur, elle a un double rôle, recueillir la chaleur, mais refroidir les combustibles. Le pilotage des installations est assuré par des équipes de quart qui tournent en 3-8. Donc bien sûr, il faut toujours du monde en permanence dans ces salles de commande. En fonctionnement normal, deux opérateurs. Un qui gère plus particulièrement la partie primaire des installations, donc tout ce qui est réacteur et tous les circuits annexes. Et un deuxième qui gère toute la partie secondaire, tout le groupe turbo-alternateur. On peut être amené à moduler la puissance des installations à la demande du réseau. Ensuite, ils peuvent être amenés à gérer tout ce qui est alarme, envoyer des agents sur le terrain, etc. Ce matin, le système de refroidissement a lâché dans une centrale nucléaire de Pennsylvanie. Les radiations ont traversé plus d'un mètre de béton et des vapeurs radioactives se sont répandues dans l'air. Ce qui s'est passé le 28 mars 1979 dans cette centrale de Pennsylvanie aux États-Unis est le premier accident nucléaire majeur de l'histoire. Les opérateurs ont été trompés par une instrumentation qui était ambiguë et ils ont arrêté de refroidir le réacteur alors que les systèmes automatiques avaient bien démarré. Le problème est que refroidir le combustible du réacteur est beaucoup plus difficile qu'on ne l'avait pensé et jusqu'à ce qu'il soit refroidi, c'est très dangereux. Un accident nucléaire dans une centrale nucléaire, s'il devient grave, c'est parce qu'on a manqué d'eau et d'électricité. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'il faut être en mesure de faire face, c'est un manque d'eau et d'électricité. Sommes-nous passés assez près d'une fusion du cœur? Non, nous n'y étions pas. Cela aurait-il pu arriver? Je ne le pense pas. Notre enquête montre que non. Je pense que c'est une situation très dangereuse et je tiens absolument à ce qu'on découvre la finalité de tout ça. Donc le réacteur qui était presque neuf a été détruit. Mais il n'y a pas eu d'impact sur l'environnement, il n'y a pas eu d'effet sur la santé des gens aux environs. Pour rassurer la population, le président Carter vient visiter la centrale quelques jours après la catastrophe. Pourtant, l'impact de Three Mile Island s'est fait sentir dans le monde entier. Finalement, ça a été un accident, si j'ose dire, intéressant, parce qu'il a montré que le nucléaire était suffisamment sûr, pouvait être suffisamment sûr pour qu'il ait eu un accident très grave, mais qui n'ait eu aucune conséquence à l'extérieur de la centrale, parce que l'enceinte de confinement a tenu et parce que finalement les opérateurs ont repris la maîtrise du processus. C'est vrai que même un accident comme Three Mile Island, comme c'était exactement les mêmes réacteurs qu'en France, a quand même ébranlé les gens, mais sont remis à la routine du « chez nous, ça ne se passera pas ». En gros, c'est ça. Je pense qu'il y a eu deux conséquences de Three Mile Island en France. Premièrement, en France comme ailleurs dans le monde, la découverte du fait qu'une installation nucléaire pouvait donner lieu à un accident majeur. Et je pense que ça a été un choc pour les responsables de l'époque. Ça remet en cause l'ensemble de toutes les conceptions d'ergonomie, toutes les conceptions des salles de commande. Par définition, vous ne pouvez pas prévoir l'imprévisible au moment de la conception. Comment vous pouvez prévoir l'imprévisible au moment de la conception? C'est quasiment impossible. Ingénieur supérieur, chef d'exploitation, l'IS à Fresdinos. Joël, tu es sans commande niveau 1? Sans commande niveau 1. Ok, c'est correct. Pour faire face aux accidents, il y a des procédures qui nous encadrent de manière très stricte. Par moment, il faut néanmoins faire des choix. Et un opérateur ne peut pas faire un choix tout seul. Il propose un choix, il propose une analyse. L'analyse va être confrontée à l'analyse du chef d'exploitation délégué ou du chef d'exploitation. Et ensuite, une décision va être prise. Mais il ne peut pas y avoir de décision prise seule par l'opérateur, en fait. Ok, j'ai bien compris, la pression enceinte monte. Je confirme l'arrêt d'urgence. Imaginez qu'on entende à la radio qu'il y a eu une fuite radioactive à Nogent-sur-Seine, et que la Seine est un peu polluée et qu'il y a un nuage radioactif. Il n'y a pas eu Tchernobyl, il n'y a pas eu Fukushima, mais il y a un nuage radioactif qui se dirige doucement sur Paris. Qu'est-ce qu'on fait? On décide l'évacuation de la région parisienne? Et là, ça pose problème en France, parce qu'on n'a pas accordé une importance majeure à ce critère, puisque justement l'accident n'était pas possible, d'une certaine façon. La clé de la gestion d'un début d'incident nucléaire, c'est d'anticiper. Anticiper pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre le moment où le préfet devrait, le cas échéant, prendre des mesures de protection pour la population. Alors ça, c'est tout notre rôle d'expert technique, au profit de la gestion de crise qui relève du gouvernement, bien sûr. Et l'IRSN, de mon point de vue, a un rôle extrêmement important pour surveiller ce qui se passe, donner les bonnes informations au bon moment à un très grand nombre d'acteurs, et nous nous organisons pour cela le mieux possible. On fait en sorte que l'accident grave n'arrive pas ou a très peu de chances d'arriver, parce que ses conséquences seraient des rejets, notamment de particules qui contamineraient pour le long terme des territoires autour de la centrale. Ça, c'est pour nous l'accident inacceptable et qu'il faut garantir qu'il n'arrive pas. Ça a conduit à mettre en place une force d'action rapide nucléaire pour remettre de l'eau et de l'électricité sur nos centrales, en reprendre la maîtrise, et ça dans les premières 24 heures, afin d'éviter qu'un accident grave n'arrive pas ou ait très peu de chances d'arriver. Ces mesures sont-elles à la hauteur de l'enjeu? En cas d'accident majeur et de fuite radioactive, quel serait l'impact sur la santé des travailleurs du secteur et des populations environnantes? Dites-moi la dose reçue, je vous dirai les effets. Pour les cancers, je vous dirai le risque. Voilà quelle est la question sur le risque du nucléaire. Quelle est la dose que j'ai reçue? En dessous d'une certaine dose, il n'y a pas d'études scientifiques qui permettraient de dire il y a un lien de cause à effet entre l'absorption ou l'exposition à une dose de radioactivité et le développement d'un cancer, d'une maladie, d'une mutation génétique. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a répliqué en murmurant: sa cloche, c'est pas où il est passé. Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur? Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plein, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas, et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas, oui, oh, oh, oh, oh. Arthur, où t'as mis le corps? C'est crié les inspecteurs. Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves. On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cogne plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui, Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors, Arthur, oui. Allons, mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein? Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à l'idée qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là? Oui, le corps. Arthur, où t'as mis ton corps? Moi, j'ai plus de corps, le corps. Arthur, as-tu du cœur? Belote, les gars, rebelote et 19 d'air. Oh! Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Territoire Sénat. L'invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour, député de la France Insoumise, et pour m'accompagner ce matin, Nathalie Moret du Progrès de Lyon et Auriane Mancini. Bonjour. Bonjour. Journaliste politique public Sénat, Éric Coquerel. L'affaire François de Rugy, 4 articles en 3 jours. Quel est l'objectif de Mediapart? C'est de faire tomber un ministre? Ah, de Mediapart, je ne sais pas. Je pense que Mediapart utilise les informations qu'on leur donne. Manifestement, ils sont bien informés. Et de ce qui court à l'Assemblée, y compris dans les bancs d'En Marche, j'aurais pas trahir des secrets, c'est que très certainement ça vient de l'intérieur, enfin de l'intérieur, non pas du ministère, mais de bon, donc voilà, il y a des gens qui très certainement un règlement de compte veulent politique. Veulent pas du bien de Rugy. Vous nous dites règlement de compte non, politique. Non, je dis que simplement il y a des gens qui veulent pas du bien de Rugy et que on apprend au bout d'un moment que dans la politique beaucoup de choses sont possibles. Mais au-delà de ça, la question qui est posée, c'est sur M. de Rugy, j'allais dire, au-delà de l'aspect qui rend la chose encore plus insupportable, qui est le fait que c'est un président de l'Assemblée, et même avant, qui a mis en avant la transparence, qui a fait la leçon aux députés, qui a demandé des économies. Qui a demandé des économies, mais en plus, c'est la manière de le faire, parce qu'encore qu'on demande des économies, qu'on revienne sur une partie de la retraite des députés, qu'on nous demande, comme ça a été fait, ce que je trouve normal d'avoir nos justificatifs, etc., pour les frais. Bon, mais c'est la manière de l'avoir fait. C'est-à-dire, en gros, il a pas hésité à mettre en avant, j'allais dire, quasiment la potentielle responsabilité des députés. Et dans ce cas-là, bah, il faut être absolument clean, quoi. Je veux dire, bon, si vous voulez donner des leçons aux autres, il faut l'être. Bon. Et manifestement, il s'est installé à la SAIE, et il a, voilà, dans tous les avantages que ça pouvait représenter, peut-être politique. Moi, j'en sais rien. On fera le détail de ces dîners. C'est vrai que. Mais Éric Coquerel, est-ce que François de Rugy, ministre d'État, est aujourd'hui encore crédible dans ses fonctions? Mais moi, ce que je crois, d'un point de vue politique, non. Et je voudrais pas qu'on l'oublie. C'est ça qui me semble le plus important. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, va fermer le train Rungis-Perpignan. De fret ferroviaire. C'est 20 000 camions en plus sur les routes. La semaine prochaine, on va parler du CETA. Il soutient le CETA, qui est un traité de libre-échange qui est absolument catastrophique d'un point de vue écologique. Moi, je m'occupe à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, du rapport lié à son ministère. Son ministère, c'est 24 000 suppressions de fonctionnaires depuis 10 ans, et lui en a rajouté. Donc je trouve que politiquement, il n'est pas crédible, parce qu'il est le justificatif écologique vu son passé, d'une politique qui ne l'est en rien. C'est ça qui me pose le plus de problèmes. Quant à l'affaire elle-même, je vais y venir, est-ce que c'est plus scandaleux ou moins scandaleux que les 300 000 euros qui ont été mis pour la moquette de l'Élysée, les 500 000 euros qui ont été mis pour la vaisselle, les 34 000 euros de la piscine de Brégançon. Bon, moi, je laisse chacun juge. Ce qui ne va pas, ce qui n'est plus supportable dans cette affaire, c'est que d'un côté, on a un gouvernement qui impose l'austérité, qui gèle le point d'indice des fonctionnaires, qui dit qu'il faut supprimer des fonctionnaires, qui dit aux chômeurs il suffit de traverser la route pour trouver un emploi, et de l'autre côté, bah, le moins qu'on puisse dire, qui continue à avoir un train de vie dont a bien des aspects insupportables. Voilà ce qui ne va pas et ce qui provoque une colère légitime par rapport à ce qui se passe. Et s'il rembourse ces frais-là, est-ce que ça peut suffire? On verra bien sur les détails, d'accord? C'est-à-dire est-ce qu'il a mangé il y a eu du homard à tous les dîners? Ce qui n'est pas supportable, et c'est ça que je voudrais préciser, parce que ça dépasse la personnalité de Monsieur de Rugy. Personnellement, je vais vous dire très franchement, je n'aime pas François de Rugy. Voilà, je le trouve agressif, politico-rigide. Je trouve que la manière dont il répond sans arrêt à l'opposition, la manière dont il répond aux associations, la manière dont aussi, par exemple, à ce moment, il a accepté des primaires, où la règle du jeu, c'était de soutenir le candidat qui gagnait les primaires. Enfin, c'est leur problème interne. Et puis hop, il part vers Macron. Il y a un côté que je n'aime pas dans ce personnage politique. Mais pour autant, je trouve qu'il serait commode, finalement, d'individualiser. Là, je vous ai cité certains chiffres, certains étant liés à M. Macron. Voilà, je trouve que c'est cette façon, à un moment, de diriger l'État, en proposant l'austérité pour tout le monde, des conditions dures, en privilégiant les plus riches, parce que ça a un rapport aussi, qu'on supprime l'ISF, alors qu'il y a des gens qui se gavent sans arrêt sur le dos des Français qui, eux, souffrent. Et je trouve que c'est ça qui devrait être dénoncé de manière plus globale. Mais pour être clair, vous ne faites pas partie de ceux qui demandent sa démission. Bon, on verra bien à l'arrivée. Moi, c'est sa politique que je demande de démissionner. Et si vous voulez, le problème avec la démission, d'abord, à chaque fois que nous on demande une démission, en général, ça protège le ministre. Alors, bon, je m'en méfie, mais par exemple, quand on demande la démission, il faut que ça soit... Il y a un côté rareté dans l'affaire. Bon, donc, ce qui s'est passé avec M. de Rugy me choque, ça choque tout le monde, bien évidemment. Mais par exemple, je demande en ce moment surtout la démission de M. Castaner, d'accord, pour une politique répressive, une politique où on utilise la police à des fins de maintenir l'ordre social avec des victimes. Là, récemment, on se demande où est Steve, le jeune de Nantes. Je trouve que le ministre n'est absolument pas à la hauteur de ce qui se passe dans le pays depuis des années. L'enquête de l'IGPN a été ouverte. Enquête de l'IGPN. Comme il y a une enquête de l'IGPN, vous avez des nouvelles d'ailleurs sur le boxeur de Toulon, le policier boxeur de Toulon. Je dis ça parce que on a suspendu un syndicaliste policier il y a quelque temps qui s'appelle Langlois du syndicat Vigie pour avoir une liberté d'expression un peu inverse de celle de ses collègues des syndicats d'extrême droite de la police. Et là, par contre, on n'a pas de nouvelles de ce boxeur policier qui frappait des manifestants mis en respect. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'occasions de demander des démissions des ministres. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la politique de Monsieur de Rugy que je trouve insupportable. Et c'est surtout de dénoncer cette logique. Qui est qu'on se gave, on vit à un rythme que personne ne peut vivre dans ce pays et on impose l'austérité partout. Alors, vous parlez de Christophe Castaner, vous l'avez rencontré hier, vous étiez à une réunion avec d'autres leaders politiques sur ADP, la privatisation d'Aéroports de Paris. Sur le référendum, vous demandez un comptage plus transparent des signatures. Que vous a dit Christophe Castaner? Alors, pour être exact, il n'y a pas eu de réunion hier. Les sénateurs se sont rassemblés socialistes, si bien compris, et on a une réunion le 23 juillet. D'accord. Ce que nous demandons principalement, M. Castaner, c'est la mise en place d'un comité de suivi comme ils l'ont fait pour le grand débat, c'est-à-dire un comité de suivi qui rassemble les députés et sénateurs, enfin une partie qui ont voté cette loi référendaire, de façon à ce qu'on puisse effectivement suivre dans la transparence où on en est, qu'on puisse continuer à essayer d'améliorer cette plateforme qui, le moins qu'on puisse dire, est vieillotte et elle complique le travail de ceux qui veulent signer. Et donc on se reverra le 23 juillet. J'espère enfin qu'il va accepter cette revendication qui me semble normale. Mais pour être clair, est-ce que le gouvernement freine les signatures avec la plateforme dont on vous parlait, qui est un peu vieillotte? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne les arrange pas. D'ailleurs, il nous l'a dit un peu, Castaner, là-dessus. Quand on l'a vu la première fois, il y a quelques semaines, on lui a dit, par exemple, on trouverait normal que, vu que c'est la loi, il y ait, par exemple, des rappels au niveau des services publics de télévision pour qu'il y ait des messages d'information, des choses comme ça, enfin, qu'il y ait un minimum qui permette une campagne. Bon, en gros, il nous a expliqué qu'il n'allait quand même pas nous arranger, quoi. C'est un peu ça. Bon, tout ce qui est loi, il va le faire. Pour l'instant, il ne le fait pas bien. D'accord? C'est-à-dire, c'est Tout ça a mis du temps à se mettre en place. Alors en plus, quand c'est mis en place en plein cœur de l'été, vous voyez que ça ralentit un peu les signatures. On en est à 500 000 environ, il en faut 4,7 millions. Voilà. Un peu plus, vous avez des chiffres à nous donner, puisque le dernier chiffre, c'était... Non, on a le même que vous. Mmh. On a le chiffre officiel, parce que je crois qu'il y avait un compteur un peu officieux qui s'était mis en place. Ils se sont même débrouillés pour l'annihiler. Donc, comme vous, on sait que le 1er juillet, il y avait 480 000 signatures. Bon, si on fait à peu près la logique, on est au-dessus de 500 000. C'est bien. Mais c'est pas suffisant. Mais vous êtes confiant pour atteindre les 4,7 millions? Je suis confiant si, à la rentrée, on est capable, les uns et les autres, de passer le mur du son. Vous me permettrez cette image au sujet d'ADP de l'aéroport de Paris. Pourquoi? Parce que, il va falloir qu'on. 4 700 000 signatures, c'est énorme. D'habitude, vous savez, les pétitions citoyennes, c'est 2 millions à peu près, les plus réussies. Donc, vous voyez qu'on double. Donc, à mon avis, il faut vraiment viser grand angle. Et donc, il faut être capable, les uns les autres, j'allais dire, d'aller partout sur le terrain dans le pays, d'avoir des initiatives un peu différentes. C'est-à-dire, par exemple, on a fait une à Sani, où il y avait des députés qui allaient des républicains à nous, qui disions ensemble qu'on était contre. Il y en aura d'autres. Donc, nous, on y travaille. Plus des rassemblements plus traditionnels. Il y en a un qui est en cours avec Attac, des syndicats. Mais je crois qu'il faut qu'on donne à voir le fait que sur cette question, on est capable de dépasser des clivages partisans dès lors qu'on est d'accord sur l'objectif et les raisons de cet objectif, c'est-à-dire empêcher cette privatisation. Vous parliez hier du terrain, vous étiez hier matin en Seine-et-Marne pour défendre les salariés de Conforama. 1900 emplois sont menacés sur tout le territoire français. À part de ponctuellement aller les soutenir sur le terrain, qu'est-ce que vous, députés, vous pouvez faire concrètement pour les aider? Concrètement, nous on essaye d'interpeller le gouvernement déjà. Il se trouve qu'il y a un Conforama en plus sur ma circonscription, donc ça me sensibilise encore plus. Même si globalement le problème reste suffisant pour s'alerter. Moi, je peux mettre mon écharpe au service des luttes. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de peser. J'essaye de mettre un éclairage sur ces questions. Conforama, c'est un vrai scandale. C'est un scandale de plus. Bon, notamment pour les salariés dont l'emploi pourrait être supprimé, mais parce que c'est un fonds de pension. Conforama, oui. D'accord, qui continue à faire des bénéfices. Contrairement à ce qu'on dit, ils continuent à faire des bénéfices. Donc, leur objectif, c'est pas de garder l'emploi. Leur objectif, c'est le cours de la bourse, de garder une rente suffisamment haute pour concurrencer à la bourse leurs concurrents. Il n'y a pas eu de problème de gouvernance de la bourse. Si, en plus de ça, et c'est les salariés qui servent toujours de variable d'ajustement. Moi, je vais vous citer un exemple à Saint-Ouen, pour bien comprendre le problème. Saint-Ouen, le magasin Conforama est loué par la société Conforama, une SCI qui est créée par le patron de Conforama. Et il a doublé le loyer de cette SCI en quelques mois, en quelques années. Donc vous voyez bien le problème, tout à coup ce magasin est passé dans le rouge. Et l'argent va toujours au même endroit, que ce soit sous forme de loyer ou sous forme d'intérêt d'actionnaire. Bon, ça c'est insupportable, il faut le dénoncer. Et moi c'est pour ça que j'estime que mon devoir d'élu, c'est d'être aux côtés des salariés qui défendent leur emploi dans ces cas-là. Et que peut faire le gouvernement, puisque vous appelez le gouvernement à agir? Ah déjà par exemple d'arrêter de donner le CICE. Et demander le remboursement. Parce que 50 millions d'euros donnés à Conforama en 5 ans pour supprimer des emplois, ça montre bien que ce crédit d'impôt, c'est un vrai scandale qui ne crée pas d'impôt et qu'on ferait mieux de mettre, à la fois pour créer, par exemple, des postes de fonctionnaires dont on a besoin, contrairement à ce que dit le gouvernement. Bon, vous voyez bien que c'est tout un problème de logique économique. Éric Coquerel, on va parler maintenant des réformes à venir, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage, un document de l'UNEDIC révèle que 1 200 000 chômeurs seront touchés par cette réforme, seront donc moins bien indemnisés. Faux, nous dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle dit que c'est 6 à 700 000 personnes qui seront impactées par la réforme. Est-ce qu'on peut la croire? Non, c'est une menteuse. Voilà, je vous le dis, c'est une menteuse. Elle m'a fait la même réponse parce qu'il se trouve que ces chiffres-là, avant que ce soit sorti dans les journaux, je les ai indiqués à l'Assemblée dans une question au gouvernement il y a maintenant 2 semaines de ça. Bon. Et la ministre m'a répondu de manière là aussi très méprisante. Elle aussi, c'est une spécialiste du genre. Je confirme ce qui a été dit et ce qui est affirmé par les journaux et par les syndicats. Pourquoi on nous cache les vrais chiffres? Mais parce que c'est déflagrateur. Si on explique aux Français qu'en réalité, ça va être entre 1,2 million et 1,5 million personnes au chômage aujourd'hui qui vont être impactées par cette réforme, vous voyez bien que c'est là, pour le coup, c'est tout le système en réalité d'assurance chômage qu'on est en train d'éliter. Quel chômeur? Alors justement, les chômeurs qui sont attaqués, c'est ceux qui travaillent un peu. D'accord. Alors il y a deux entrées pour bien comprendre. La première entrée, c'est à peu près 600 000 personnes qui sont concernées. C'est qu'on va demander, pour avoir le droit à être indemnisé, de travailler plus sur une durée plus courte, 6 mois sur 24 mois. Bien. Donc déjà, ça va compliquer la chose pour des gens qui accédaient aux indemnités. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on va supprimer ce qu'on appelle les permittents, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi précaire, mais qui n'est pas suffisant pour qu'on considère non suffisant pour ne pas avoir le droit aux indemnités. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, donc les indemnités complétaient quelque part. Bon. Et donc là, on va les sortir. Ça, c'est 840 000 en plus. Donc, additionné, vous avez le chiffre. Et ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est qu'on a un gouvernement, c'est pas le premier, les autres on cotise aussi, qui ont créé de la précarité, qui ont avantagé les CDD. D'accord ? 87% des emplois créés l'année dernière en France sont des CDD, dont un tiers de quelques jours. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, on dit à ces mêmes personnes dont on a facilité quelque part la précarité, eh bien maintenant, vous aurez encore plus de difficultés d'être indemnisé. Donc, je vais vous dire, à la fin, on crée des travailleurs pauvres. On va baisser le nombre des chômeurs au niveau statistique et on va créer des travailleurs pauvres comme en Angleterre et en Allemagne, système dans lequel ce système fonctionne depuis très longtemps. Voilà ce que nous dénonçons. Et Mme Pénicaud a beau dire, ce sont des chiffres qui sont logiques. Il suffit de regarder aujourd'hui les statistiques de ceux qu'elle va frapper. Elle a dit que ça ne tient pas compte de l'impact psychologique de la réforme et oui, du fait ça, que les gens l'impact psychologique vont pour les chômeurs dans le marché, qui, sur le marché vont, de l'emploi. Bien sûr. Alors justement, alors elle nous dit ça, elle nous dit « Nous avons remis des personnes sur le marché de l'emploi ». Mais sauf que les personnes sur le marché de l'emploi, comme je viens de vous dire, à 87%, c'est des CDD. Donc vous voyez bien qu'au bout du bout, vous avez un enchaînement qui est mauvais. Donc qui, alors eux, le chiffre du chômage va baisser, ils seront peut-être contents. Mais au-delà du fait que c'est des gens qu'on mène à la misère, véritablement à la misère, mais en plus de ça, c'est des gens qui auront encore moins pour consommer. Donc ça ne va pas faciliter la vie de l'économie française. Un mot sur la réforme des retraites, puisque Jean-Paul Delevoye présentera ses recommandations la semaine prochaine. Avant de parler du fond, sur la forme, il a beaucoup consulté Jean-Paul Delevoye. Est-ce que vous saluez la méthode ? Bah lui, il est plus habile que les autres. Il consulte. Mais enfin bon, pour l'instant, il a tous les syndicats qui sont quand même encore vent debout. Et ils ont raison de l'être. Parce que le fait est, c'est qu'en réalité, on va prolonger l'âge d'entrée à la retraite à 64 ans. C'est ça qui va se passer. On va pas le faire en termes de chiffres, on va le faire en termes de décote, ce qui reviendra au même, parce que les gens partiront pas à la retraite avant, sous peine, justement, là aussi, d'avoir des pensions de misère. Donc c'est bien une remise en question. Et alors, le système à point... C'est pas l'assurance de l'équité ? Non, pas du tout. Le système à point, c'est l'assurance de la précarité et de l'incertitude. Puisque vous ne saurez pas, avant la fin de votre travail, vous ne saurez pas combien vous allez toucher, puisque ça sera fluctuant en fonction de certains critères économiques, etc. Donc tout ça est quelque chose qui va déstabiliser en profondeur le système de retraite par répartition, là encore. Et là encore, pour une politique qui est absurde, je vais vous donner un exemple. On va toucher, par exemple, on nous dit on va toucher aux retraites spéciales des fonctionnaires. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu une étude dans le journal Les Échos, excusez-moi de citer un de vos concurrents, mais bon, explique qu'en réalité, ça va aggraver le trou du régime de retraite. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires cotisent plus. Et qu'à partir du moment où on va stabiliser, on va normaliser leur régime, eh bien du coup, bizarrement, ça va faire moins d'argent dans les caisses de ce système. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Et il y a encore moins de cohérence parce que chacun sait aujourd'hui que quand vous êtes un travailleur senior, vous ne retravaillez plus. C'est pas vrai. On peut donner tous les éléments. D'accord? Vous ne retravaillez plus. Donc, en réalité, c'est les assédiques qui, pendant plusieurs années, avec toute la précarité que j'ai expliquée sur l'assurance chômage tout à l'heure, vont remplacer le régime de retraite. Donc, c'est pas supportable. Un mot sur une autre annonce de cette semaine. Agnès Buzyn qui a annoncé que l'homéopathie ne serait plus remboursée à partir de 2021. L'homéopathie, ce sont des centaines d'emplois en France, dans les entreprises Boiron, Lenning. Est-ce que vous redoutez des conséquences en termes d'emploi? Je peux admettre que je suis partagé sur cette question. Voilà, je sais que ça va créer du chômage. Bon, là c'est mon point de vue personnel parce que notre mouvement n'a pas. Il y a des gens qui défendent l'homéopathie. Bon, moi, je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est un placebo sans effet et qu'à partir de là, je ne trouve pas scandaleux que ça ne soit plus remboursé. Bon. Mais en même temps, je conçois la difficulté pour des salariés. Voilà, c'est. J'admets cette fois-ci être partagé sur la question. Éric Coquerel, pour finir, j'aimerais vous entendre sur l'affaire Tapie. Selon son avocat, Bernard Tapie considère qu'un appel du parquet serait farfelu. Est-ce que le parquet doit faire appel de ce blanchiment général ? S'il estime qu'il doit le faire, oui. C'est-à-dire que le parquet a des politiques à géométrie variable. Donc c'est un peu ça d'ailleurs qu'on peut contester. Cette affaire est extraordinaire quand même parce que ce soit à un moment donné une contradiction entre deux juridictions. Non mais ce blanchiment général auquel on a tous assisté. Oui, mais le blanchiment général, il vous a interpellé. Ah oui, mais il m'interpelle peut-être pour Monsieur Tapie. Enfin, comme m'interpelle le fait que M. Cahuzac n'ait pas fait une seule journée de prison et que d'autres, par contre, en font. Donc, je trouve que là-dessus, il y a une façon de gérer ces affaires-là qui n'est pas équitable, pour reprendre votre terme. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Sur l'affaire Tapie, très franchement, là aussi, à un moment donné, on a des journées de 24 heures. Ce n'est pas que je veux dégager. Je n'ai pas suffisamment dans le détail. Ce que je sais, par contre, c'est que normalement, il doit être redressé. Qu'on explique que certains à Bercy l'ont protégé. Donc ça, il faut aller voir jusqu'où ça a été fait. Bon, au-delà de ça, c'est quand même un flop au niveau de la justice. Donc, grande incohérence, vous nous dites. Oui, mais vous savez, le parquet a souvent des grandes incohérences. Tout comme les procureurs ont de grandes incohérences, tout comme même Belloubet a de grandes incohérences, notamment quand je trouve justement qu'elle est pour le moins inefficace sur l'affaire d'un jeune disparu de 24 ans il y a 3 semaines, et que par contre elle est capable d'envoyer des centaines de policiers à la porte de partis politiques qui n'ont rien fait. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été notre invité ce matin. Merci Nathalie Morey, merci. Thank you. bien, maintenant, je vous propose une petite revue de presse. Par exemple, mardi 23 juillet 2019, Saint-Benoît la Chipote, une remontée dans l'histoire des combats de la Chipote. Les combats de la Chipote ont fait rage du 25 août au 11 septembre 1914. 4000 soldats français et autant de soldats allemands ont trouvé la mort, c'est-à-dire 8000 morts à cet endroit-là, pour prendre juste une colline, ou garder juste une colline. Ça fait 8000 morts pour rien, puisque voilà. Hein? Donc, le mieux, ce serait encore d'éviter les guerres, tout simplement. Je pense que les 4000 Français, les 4000 Allemands qui sont morts là, sera allé boire un coup ensemble si les politiques ne leur avaient pas fabriqué une guerre. Pour ne rien oublier, des visites sur le site sont organisées. Visite de la féculerie ce jeudi matin, c'est à la Neuville devant l'Épange. La roue du Moulin qui a alimenté la féculerie mérite d'être découverte. L'Office du tourisme de Bruyères, Vallon des Vosges, organise la traditionnelle visite de la féculerie de la Neuville devant l'Épange. Cette féculerie, une des dernières à avoir fonctionné jusqu'en 1968, est la seule des Vosges à avoir conservé l'intégralité des bâtiments et des machines nécessaires à l'élaboration de la fécule de pommes de terre. La visite se fera de 10h à 12h, jeudi 25 juillet. Rendez-vous est donné aux deux rues de la féculerie, à la Neuville devant l'Épange. Jean-Louis Robert vous y accueillera avec sa verve habituelle et vous parlera d'un métier quasiment disparu. Eh oui, il y a des métiers comme ça, ça évolue, le monde du travail, les professions, les... Ouais. Hommage aux victimes du racisme d'État de Vichy. Il y a un temps pour la haine, un autre pour l'amour. Un temps pour déporter les juifs, les roms, les homosexuels et tant d'autres, et un autre pour apprendre à vivre ensemble. Il y a un temps pour tout, sauf l'antisémitisme qui perdure encore et toujours. C'est ainsi que débute le discours de Léon Simeoni, président de la communauté israélite des Vosges. Commémorant la mémoire des 13 000 personnes arrêtées durant la nuit du 16 au 17 juillet 1942, la cérémonie avait un objectif, combattre la haine par la mémoire. Ouais, ne pas oublier, surtout pas oublier. Certes, des victimes de l'antisémitisme et du racisme d'autrefois, celles des victimes de l'antisémitisme et du racisme d'autrefois, que des policiers français et zélés déportèrent vers les camps de la mort. Des policiers français déportèrent vers les camps de la mort. Celles des justes également. Ces rares hommes et femmes qui, au mépris du danger, ont protégé, caché et sauvé les porteurs de l'étoile jaune. Cette mémoire se perd, explique Léon Simeoni, avant d'ajouter... De l'extrême droite à l'extrême gauche, juif est redevenu une insulte. Alors là, ça, là, je m'insulte. Ça c'est une insulte grave. C'est l'extrême droite qui est raciste. L'extrême droite. La gauche n'est pas raciste. Ou alors les gens qui se disent de gauche et qui sont racistes ne sont pas des gens de gauche. Voilà. Alors il faut quand même pas faire. Il y a des confusions qu'il faut pas faire. Qu'il s'agisse des islamistes ou des fans de Dieudonné, tous voient les Israélites comme des ennemis, des gens qu'ils ne connaissent pas. Mais tout n'est pas noir à Épinal. De nombreux Spinaliens sont venus visiter notre synagogue et ont découvert ce qu'était le judaïsme. Greta Thunberg divise les députés. Eh ben c'est bien. Politique, climat. Combien de députés écouteront Greta Thunberg ce mardi à l'Assemblée nationale, ainsi que ceux scientifiques et jeunes militants qui s'exprimeront lors d'un débat dans l'hémicycle. Alors que le climat est l'une des préoccupations premières des Français, pro et anti Greta Thunberg, cette jeune adolescente de 16 ans, devenue l'icône de la lutte pour la sauvegarde de la planète, se déchire sur les réseaux sociaux. Et leurs arguments sont bien loin de la science. Mais non, imbécilité, Greta Thunberg et ceux qui l'accompagnent ne disent que des choses sensées. Ceux qui se permettent de dire des choses contraires sont des imbéciles et des malhonnêtes. Guerre commerciale à l'Assemblée. Oui, Greta Thunberg et les autres jeunes qui sont avec elle ou moins jeunes, qui l'accompagnent dans cette lutte-là, nous reprochent à nous, adultes, de leur laisser un monde qui sera vraisemblablement, qui a de fortes chances d'être invivable à cause du chômage, à cause du réchauffement climatique et du glyphosate, etc., etc. Hein? Voilà, c'est extrêmement grave ce que l'on fait à nos enfants et à nos petits-enfants. Elle a raison. Elle a raison sur toute la ligne. Je l'ai écoutée attentivement plusieurs fois et elle ne dit jamais de bêtises. Elle ne dit que des choses justes, vérifiables, facilement vérifiables. Politique, guerre commerciale à l'Assemblée, la ratification du CETA cet après-midi. L'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada menace d'enflammer ce mardi l'Assemblée nationale. Attention, sujet très technique et très passionné. Non, c'est pas technique, c'est de l'écologie. On transporte d'un bout à l'autre de la planète des marchandises qu'on est tout à fait capable de fabriquer ici. Cela ferait baisser le chômage, premièrement. Cela ferait baisser la pollution. Cela diminuerait les délais de livraison. Enfin bref, il n'y a que du positif. Essayons de produire nous-mêmes ce qu'on est capable de produire. Évidemment, s'il s'agit de produire du riz, on est bien obligé de l'acheter dans les pays qui en produisent. Hein. Ah, ça c'est sûr. Les oranges aussi, les bananes aussi. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses que l'on achète dans les pays où l'on fait travailler des enfants, très bon marché, à très bas prix, pour des salaires de misère, que l'on pourrait très bien fabriquer ici, en faisant travailler des gens, pour des salaires corrects. Alors n'oublions pas que 6 millions de chômeurs, c'est ce qu'on a actuellement en France, et ce qu'on a déjà connu en Allemagne en 1932. Et on sait ce qui est arrivé. En 1932, ceux qui exploitaient les ouvriers allemands, les ont tellement bien exploités, tellement mal exploités, tellement surexploité que les ouvriers allemands ont fini par se détacher petit à petit des partis de centre ou de droite modérée ou de même de gauche pour rejoindre le parti nazi, pour voter pour Hitler. Et Hitler est arrivé au pouvoir par les élections. En 1933, il était élu démocratiquement. Comme il avait écrit dans Mein Kampf, j'utiliserai les armes de la démocratie pour détruire la démocratie. Il l'avait écrit. Tout le monde savait. Hein. Donc les gens de l'époque n'ont pas d'excuses, n'avaient pas d'excuses, comme nous n'avons pas d'excuses à critiquer Greta Thunberg. C'est pareil. Voilà. Il s'agirait de devenir responsable de temps en temps. Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé, l'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes, croassez leur stupide chant, ils voudraient encore les brigands salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et l'éteignoir, sous la calotte et l'éteignoir. Mais de nos bulletins de vote, nous accablerons ces gredins et les voix de tous les scrutins leur crieront à bas la calotte. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Quoi ces curés et leurs vicaires feraient la loi dans nos foyers? Quoi ces assassins de nos pères seraient un jour nos meurtriers, seraient un jour nos meurtriers? Car ces cafards de ville race sont nés pour être inquisiteurs. À la porte les imposteurs place à la République, place aux urnes citoyennes contre les clérics. Les coquins, cachez-vous, traîtres, disparaissez loin de nos yeux. Le peuple ne veut plus de prêtres, patrie et loi, voilà ces dieux. Patrie et loi, voilà ces dieux. Assez de vos pratiques niaises, les vices sont vos qualités. Vous réclamez les libertés, il n'en est pas pour les punaises. Aux urnes citoyens, contre les clérigaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Punissons les crimes de ces immondes calepins. N'ayons pitié que des victimes, que la foi transforme en crétins, que la foi transforme en crétins. Mais les voleurs, les hypocrites, mais les gros moines fainéants, mais les escrocs, les charlatans. Pas de pitié pour ces jésuites. Aux urnes citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. De l'imposture inspire nos votes vengeurs. Expulsons l'horrible tonsure, hors de France les malfaiteurs, hors de France les malfaiteurs. Formons l'union radicale, allons au scrutin le front. Pour sauver le pays, il faut une chambre anticléricale. Aux urnes citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Surtout, ça se poursuit. On ne sait pas jusqu'où peut nous mener cette tendance. Et donc, encore en France, comme vous dites, c'est moins qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et la grande différence avec la France, c'est qu'elle système, notre système social redistribue, alors qu'aux États-Unis, il redistribue beaucoup moins. Mais ce que vous disiez sur les riches américains est révélateur. C'est-à-dire qu'il y a une tendance de fond du côté des grandes fortunes, du côté des patrons, pour dire « faut arrêter ». Il y a des signaux d'alerte, les gilets jaunes et le populisme. Et donc, il y a des initiatives qui se multiplient, et notamment aux États-Unis, pour dire inventer un ISF. On raconte ça, notre correspondant Philippe Boulet-Gercourt raconte très bien que le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, appelle l'État à le taxer. C'est quand même extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, ça peut effectivement exploser, et notre classement le révèle. C'est-à-dire que même si ça ralentit cette année, vous avez vu, parce que l'industrie va moins bien, et donc tous ceux qui sont cotés en bourse ont un petit peu perdu de valeur, globalement la tendance est toujours la même. Alors juste avant de vous entendre, Laurence et Yvan, sur ce que vous en retirez, vous, de ce classement, écoutez sur ce sujet-là, celui qu'on évoque, ce que disait Emmanuel Macron le 25 avril. Il évoquait justement cette fameuse expression qu'il avait employée, les premiers de cordée, et voilà ce qu'il disait. Mais je crois tout à fait que cette image de la cordée, elle a sa valeur, parce que quand on monte, à un moment donné, la corde a sa limite. Et donc pour monter plus haut, on doit tirer les autres. Ça veut dire que pour tenir une nation, une société, si on veut monter plus haut, on ne peut pas creuser les injustices. Ça veut dire qu'il faut faire monter ceux qui sont à chaque niveau de la corde. Parce que vous devez faire réussir les autres avec vous. Parce que si vous ne le faites pas, le pays se désagrège. Est-ce que ça suffit, d'une certaine manière, un groupe comme LVMH, qui crée beaucoup d'emplois, qui forme beaucoup de monde, qui a ses propres centres de formation, est-ce que ça suffit à annihiler ce réflexe qu'on peut avoir de prime abord, de dire « mais où est-ce que ça va s'arrêter ces inégalités ?» C'est sûr que le LVMH, non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire le fait, c'est réjouissant de voir un groupe comme LVMH qui se développe. C'est-à-dire que LVMH crée de l'emploi en France. Mais effectivement, ce n'est absolument pas suffisant pour faire face à tous les défis qui ont été révélés par la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire que LVMH a ses usines, mais d'autres coins de France ont subi la désindustrialisation. Et donc on voit bien s'il n'y a pas une action de l'État et d'autres acteurs, ça ne suffit évidemment pas. Laurence, que retenez-vous de ce classement ? Alors, plusieurs choses. C'est qu'ensuite, j'ai été comparée par rapport à d'autres articles. J'ai trouvé dans Marianne un article qui donne le classement Bloomberg, qui dit que les Français, non seulement, sont tout en haut du classement en termes d'augmentation de richesse, puisque les trois premiers ont eu une augmentation de 35% de leur richesse juste sur l'année 2019. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même un problème avec le fait de cette augmentation, de cette accumulation de richesse, et de l'autre côté, le fait que les salaires stagnent, qu'on n'a pas eu le courage de faire une véritable réforme de l'impôt, c'est-à-dire qu'on tire un peu vers le bas l'impôt des plus pauvres, en tout cas des ménages moyens, puisque les plus pauvres n'en payent pas, mais qu'on ne crée pas de nouvelles tranches d'impôt, alors que c'est ce que réclament les plus riches aux États-Unis. Donc il y a ce premier problème. Et puis, en penchant sur les articles en question, je me suis rendu compte que ces fameux plus riches se targuent de faire beaucoup de charité, en réalité. Mais faire de la charité, c'est sortir aussi du système solidariste français. Et moi, je préfère davantage un système solidariste de répartition, notamment par l'impôt, plutôt qu'un système qui repose sur la bonne grâce et la bonne volonté des plus riches, puisque je note que dans les investissements dans le caritatif ont baissé de 150 millions cette année et que les investissements dans les PME innovantes ont baissé aussi. Ça, on va y venir, parce que c'est l'effet de l'ISF et il y a des études intéressantes là-dessus. C'est lié à l'ISF, mais du coup, on se rend compte que finalement, on a peut-être fait un cadeau sans contrepartie, en tout cas sans obligation contrepartie. On va y venir à ça, à l'ISF. Moi, ça me pose un problème. D'accord. Et sur ce classement, Yvon, votre... Je vois un paradoxe, c'est-à-dire qu'en effet, on ne pourrait penser qu'à travers ces richesses qui augmentent et cette pauvreté qui s'aggrave, ce terreau serait favorable à la dialectique de la lutte des classes. Là, on s'aperçoit que les partis qui se réclament de cette lutte des classes, de cette dialectique marxiste, sont des partis qui n'adhèrent pas à l'opinion. Je pense à l'extrême gauche, à la gauche, etc. Donc que la lutte des classes n'est pas l'élément qui pourrait expliquer la crise, malgré tout, la crise sociale que vit la France. Et moi, je pense que c'est plus une crise de comportement et qu'aujourd'hui, le séparatisme est tel que vous parliez de la haine. La haine des riches, il y a une haine des riches, mais il y a aussi un mépris des pauvres que l'on a vu apparaître à travers justement la crise des Gilets jaunes, avec cette condescendance et ces insultes qui ont été portées à ces gens-là, qui étaient des gens... Venant des grands patrons, vous voulez dire venant des patrons. Parce qu'ils n'ont pas été non, tellement pas des grands patrons, lois, alors, pas, de la crise. Pas tellement des grands patrons, mais enfin en tout cas... Plutôt des politiques. Plutôt des aisés, de ceux qui étaient des in par rapport au out. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, la France n'est plus tellement fracturée entre les prolétaires et les riches, mais qu'entre les inclus et les exclus, les in et les out, les eux et les nous. Et c'est cette fracture-là qui me semble la plus inquiétante, parce que les riches, pour reprendre ces expressions, ne donnent pas le sentiment de vouloir renouer le dialogue avec les pauvres, pour rester un petit peu dans cette dichotomie-là. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où l'on voit qu'à travers Trump, qui est un riche qui a réussi à s'adresser aux pauvres, ce mouvement-là est, me semble, encore assez loin de la perspective française. Or, on ne peut pas rester naturellement dans cette situation où des classes sociales ne se parlent plus, se détestent et presque s'affrontent. Et donc, je pense qu'il y a une obligation maintenant de la part de ces grandes fortunes, d'abord, en effet, d'avoir moins de condescendance vis-à-vis de ceux qui n'ont pas d'argent, mais également d'aller au-devant, peut-être, de ces gens-là. Alors, non pas avec de la charité, je ne sais pas comment, mais en tout cas, d'aller devant et de cesser ce mépris ostensible, enfin, en tout cas, moi qui me choque terriblement, et d'essayer de se mettre de faire corps avec cette partie de la société, sinon on risque en effet d'aller vers une France qui est divisée, qui est déjà divisée. Je crois que la responsabilité en revient à ces grands patrons-là. Alors, je vous propose, bien justement, puisqu'on évoquait cette question, vous l'évoquiez, Laurence, il y a un des articles qui accompagne ce classement qui s'appelle « Qu'ont-ils fait de leur ISF ?» Parce que vous avez profité du fait que vous étiez en contact avec ces fortunes pour leur poser cette question. Et on va voir ce qu'ils ont répondu. C'est évidemment un enjeu très important, parce que la suppression de l'ISF, la transformation de l'ISF en IFI, était censée réorienter une partie de l'épargne vers l'économie française, vers l'investissement. Alors, qu'avez-vous obtenu comme réponse là-dessus? La suite des indispensables avec vous, Jennifer. Alors, précisément, quelles sont les réponses, quelles sont les indications qui sont données? Alors, rappelons juste que 360 000 contribuables étaient assujettis à l'ISF et que sa suppression a coûté 3 milliards d'euros à l'État. Alors, qu'ont fait les riches de cet ISF? Le constat est assez mitigé. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, commençons justement par le verre à moitié vide. Aujourd'hui, les seuls impacts mesurables de cette suppression de l'ISF sont ceux négatifs provoqués par la fin des niches fiscales permettant de réduire l'ISF. Ainsi, vous en avez parlé, les investissements dans les jeunes PME ont baissé de 581 millions d'euros. Les dons caritatifs ont aussi chuté de 150 millions d'euros. Un bilan pas très encourageant. Mais on peut relativiser ce tableau assez sombre et voir le verre à moitié plein. Une enquête menée par France Invest auprès d'une vingtaine de banques privées montre que les riches particuliers ont alloué 500 millions de plus qu'en 2017 aux investissements vers les start-up et PME. Vous voyez qu'on retrouve à peu près la somme qui avait disparu avec les niches fiscales. Dans l'article de Challenge, plusieurs patrons disent d'ailleurs haut et fort qu'ils ont investi cet argent, comme Moed Altrad, PDG fondateur du groupe Altrad, fournisseur d'équipement pour le BTP. Il payait environ 100 000 euros d'ISF. Depuis la réforme, il ne paye plus que 3 500 au titre de l'IFI. Qu'a-t-il donc fait de ces 96 500 euros d'économie d'impôt? Eh bien, il l'assure, il a fait ruisseler cet argent qu'il a réinvesti dans son entreprise ou donné à des bonnes causes. La ministre Muriel Pénicaud, ex-DRH de Danone, indique quant à elle qu'elle payait 50 000 euros d'ISF et affirme avoir versé le double de cette économie d'ISF, 100 000 euros, dans un fonds finançant des entreprises sociales. Xavier de Namur, restaurateur parisien, lui clame que ces 10 000 euros gagnés grâce à l'ISF ont servi à augmenter ses salariés. Il milite pour un impôt de solidarité écologique sur la fortune. Quant à Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, président de l'incubateur de Camp, il affirme « L'argent libéré d'impôts me donne plus de marge de manœuvre pour investir dans des start-up. » C'est en français que la jeune Suédoise débute. Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation. L'auditoire, 170 députés de la majorité principalement, est acquis à sa cause, mais elle s'adresse avec aplomb aux sceptiques qui critiquent son activisme pour le climat. Beaucoup d'hommes politiques, de patrons et de journalistes disent qu'ils ne sont pas d'accord avec notre message et que nous, enfants, exagérons et sommes alarmistes. Alors dites-moi ce que vous proposez. Avez-vous un budget alternatif pour avoir une chance de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré? Avez-vous un autre panel d'experts intergouvernementaux sur le changement climatique? Existe-t-il un accord de Paris secret que nous ne connaîtrions pas? Alors que quelques députés minoritaires, au Rassemblement national notamment, ont boycotté sa visite à l'Assemblée, la lycéenne de 16 ans enfonce le clou, ironique. Certains ont décidé de ne pas venir ici, certains n'ont pas voulu nous écouter. C'est vrai après tout, nous ne sommes que des enfants, vous n'êtes pas obligés d'écouter les enfants. Mais vous devez écouter les scientifiques du monde entier unis. C'est tout ce que nous demandons. Unissez-vous derrière les scientifiques. Merci. Interrogée pour savoir si la France en fait assez pour la transition écologique, Greta Thunberg conclut sans détour, non, comme tous les pays. La jeune militante a ensuite assisté depuis les tribunes à la séance de questions au gouvernement dans l'hémicycle. La parole est à Madame Mathilde Panot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je salue la présence de Greta Thunberg aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avec elle, ce sont des centaines de milliers de jeunes que vous devez voir et entendre. Tous ceux qui vous disent d'arrêter votre marche vers le chaos. L'urgence écologique et climatique est là. Toutes les données de dizaines de milliers de scientifiques sont sur la table. Avez-vous pris connaissance de ces données ? Savez-vous que le permafrost est en train de fondre avec 70 ans d'avance ? Que 60% des mammifères ont disparu ces 40 dernières années ? Savez-vous qu'un tiers des oiseaux a disparu en 20 ans des campagnes européennes ? Que c'est maintenant toute l'espèce humaine dont la survie est engagée ? Dans ce contexte, l'inaction est criminelle. Surtout, comme l'a dit Greta Thunberg il y a une heure à peine, le plus grand danger, c'est quand les politiques et les chefs d'entreprise font semblant d'agir, alors que rien n'est fait, sauf de belles campagnes de communication. Comment pouvez-vous prétendre régler le problème à partir du système qui l'a produit ? Comment osez-vous applaudir les jeunes pour le climat et, ce même jour, voter cet accord de libre-échange avec le Canada ? Ce jour symbolique dévoilera le vrai visage de ceux qui y sont favorables. Celle d'imposteurs qui disent faire de l'écologie mais font surtout plaisir aux lobbies. Celle de baratineurs, sacrés champions de la Terre, alors que leur politique augmente les gaz à effet de serre. Celle de tartuffes qui prétendent protéger la biodiversité mais défendent un monde post-pesticidé. Celle d'hypocrites qui applaudissent Greta et vont voter le CETA. La réalité est que nous ne sommes pas obligés de faire venir de l'autre bout du monde des marchandises dont nous n'avons pas besoin. Surtout pas des marchandises gavées de pesticides, de farine animale, d'antibiotiques et autres pétroles de schiste. Entendez que dans ce modèle où tous doivent consommer n'importe quoi pour l'accumulation de quelques-uns, se trouve la source de tous nos maux présents et à venir. Combien de temps allez-vous continuer à vous voiler la face et à duper les Français ? La seule écologie possible est l'écologie qui reprend le contrôle de l'économie. Entre le CETA et Greta, il faut choisir. Alors, chers collègues, choisissez maintenant. Les générations futures vous regardent. Et si vous votez pour le CETA, l'histoire vous jugera. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être avec nous. Vous êtes le député de la France Insoumise du Nord. Vous êtes numéro 2 du mouvement. Vous n'avez pas mis votre t-shirt aujourd'hui ? Quel t-shirt ? Le t-shirt que nous avons porté hier à l'Assemblée. Vous tous députés, vous aviez un t-shirt avec une définition du mot hypocrite. Et vous aviez dit qu'hypocrite, c'était ceux qui applaudissent Greta Thunberg le matin et votent le CETA l'après-midi. De fait, c'est ce qui s'est passé. Oui, je pense que on a vécu un moment historique hier, en fait, mais c'est passé un peu sous les radars. C'est-à-dire que dans le ronronnement habituel des travaux de l'Assemblée nationale en plein été, d'ailleurs, c'est souvent en plein été que sont votés des textes particulièrement contestés. Les Français en ont l'habitude. Mais là, hier, il y avait quand même une conjonction de faits qui était assez intéressante, puisque par l'effet du report de vote sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, qui devait avoir lieu normalement la semaine dernière et qui a été reporté à hier, hier, on avait la canicule, que tout le monde a à connaître, qui est de notre point de vue, clairement, l'un des symptômes du changement climatique qui maintenant envahit notre quotidien, jusque chaque jour la canicule pendant parfois une semaine, plusieurs fois par mois. On avait l'invitation qui avait été faite par plusieurs députés des jeunes de Youth for Climate, de représentants du GIEC, donc des scientifiques, et de Greta Thunberg, cette figure du mouvement de la jeunesse pour l'écologie, pour le climat. Vous estimez mobilisée. Qu'elle avait sa place, pour le coup, évidemment, à l'Assemblée. Surtout que, si vous voulez, ses propos sont assis sur un constat scientifique qui a d'ailleurs été rappelé hier par la représentante du GIEC qui se trouvait là. Et l'après-midi, on avait donc à se prononcer sur un traité de libre-échange qui poursuit un certain modèle économique de grand déménagement du monde, qui par nature donc procède de hausse d'émissions de gaz à effet de serre et qui en plus procède aussi d'un abaissement de normes, parfois de normes sanitaires, et donc qui pose question en matière climatique. Pour vous, donc, ils sont contradictoires, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas le principe même du libre-échange qui pour vous est contradictoire avec l'écologie, avec la question de la protection moi, de la planète. Pense, raison pour laquelle je dis que, et nous disons, et c'était le sens de ce t-shirt, que venir applaudir le matin Greta Thunberg et son constat qui consiste à dire il y a urgence, on a peu de temps pour relever le défi, les scientifiques nous alertent et donc par exemple on peut pas s'en remettre au marché pour régler le problème. Sauf que vous, les conséquences que vous en tirez, c'est qu'il faut arrêter ce libre-échangisme. Moi écoutez, justement, comme je ne suis pas scientifique, je m'en remets beaucoup à la parole des scientifiques en la matière. Les scientifiques nous disent une chose, c'est que la catastrophe est avancée, ça je pense qu'aujourd'hui tout le monde tout l'échiquier politique s'accorde à le dire, même s'il y a encore quelques climato-sceptiques, je crois qu'ils sont de plus en plus restreints. Mais néanmoins, au-delà de l'urgence qualitative, du point de vue de ce qu'il y aurait à faire ou à ne plus faire, il y a une urgence temporelle. C'est ce que nous disent aussi les scientifiques. Ils nous disent, vous n'avez pas tout le temps pour régler le problème. Vous avez 10 à 12 ans pour opérer une bifurcation d'ampleur. Alors Apolline de Malherbe, disons-nous les choses franchement, si le temps est limité pour régler le problème, vous conviendrez avec moi qu'en tant que responsable politique, les conséquences que vous en tirez sur la méthode à appliquer, sur les solutions à trouver, sont pas exactement les mêmes que si on avait un demi-siècle pour régler le problème. Alors du coup, j'en tire cette conclusion. Mais chacun de vous en tire des conclusions différentes. Mais vous, à la France Insoumise, vous estimez donc qu'il faut mettre fin aux échanges internationaux, à un certain nombre de règles du commerce mondial. Donc la prise de conscience est actée, tout le monde est à peu près écologiste, mais il reste effectivement des désaccords entre nous qu'il ne faut pas mépriser, parce que ça participe aussi de l'élévation du débat. Si nous avons 12 ans pour régler le problème, je ne crois pas qu'on puisse attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières, qu'on puisse attendre que on modifie à la marge, en verdissant un peu ça et là le programme, comme le fait Monsieur Macron, en proposant par exemple que l'on interdise ou que l'on recycle davantage le plastique. Pour moi, et d'ailleurs ça a été mis notamment en cause par Nicolas Hulot, qui quelque part dans sa tribune réaffirme des choses que nous disons depuis longtemps, et c'est tant mieux. Enfin pardon, Nicolas Hulot lui-même, lorsqu'il était ministre, il l'avait signé. C'est pas très grave, Apolline de Malherbe. Vous savez que hier, non mais je veux dire une chose, on peut changer d'avis. Hier, par exemple, on votait contre le traité de libre-échange CETA, ceux qu'en ont été les artisans, parce que cette affaire, ça a été une négociation peut-être dans une forme d'opacité au niveau européen, mais on sait très bien qui a posé la première pierre ici en France. Ça a été une négociation notamment ouverte par Monsieur Sarkozy, poursuivie par Monsieur Hollande, et tous les trois avec Monsieur Macron ont tapé sur le même clou. Et pourtant, hier à l'Assemblée nationale, la droite a largement voté contre. Ce sont des idées politiques ou politiciennes même qui ont mené à ce vote. Moi, je veux pas mépriser, y compris le fait que des adversaires politiques puissent changer d'avis. Non, parce que le problème dépasse, je crois, nos désaccords politiques. Enfin, qu'on soit de droite ou pas, qu'on soit de gauche ou pas, ou même qu'on n'ait pas d'idées spécialement politiques, il y a une chose qui est claire, c'est que cette affaire nous met toutes et tous au pied du mur. Si on ne règle pas le problème dans le temps imparti, nos discussions politiques et nos désaccords vont être relégués à un large second rang, vous l'imaginez bien. Donc moi, je dis une chose, arrêtons de considérer que si le diagnostic est le suivant, c'est-à-dire un temps limité pour régler le problème, on peut faire autre chose que de rompre avec un certain modèle économique. Et j'attire votre attention sur le fait que les jeunes qui se mobilisent pour le climat, ces jeunes que Macron a exhortés à rendre la vie impossible aux dirigeants. Vous vous souvenez, il a dit ça avec Elton John sur le perron de l'Elysée. Et dans le même temps, les jeunes d'Extinction Rébellion qui étaient mobilisés et qui faisaient des actions de désobéissance non violente ont reçu du gaz lacrymogène alors qu'ils étaient non violents et assis. Bah effectivement, on peut pas d'un côté exhorter la jeunesse à rendre la vie impossible aux dirigeants, ce qu'a dit textuellement Monsieur Macron, et quand il y a des actions non violentes de la part de notre jeunesse qui va jusqu'à faire grève scolaire et qui dit d'ailleurs qu'elle ne devrait pas avoir à faire ça. C'est le sens de ce qu'a dit hier Greta Thunberg à l'Assemblée. Elle dit normalement, c'est pas à nous, les jeunes, de prendre en charge ce problème. C'est à vous, les politiques, et en plus, les scientifiques, et je vous demande de les écouter, c'est le sens de son message, vous disent en gros ce qu'il convient de faire. Il y a un modèle économique obsolète, périmé, qui est celui de ce libre-échange, qui est celui de ce libéralisme exacerbé. Pour régler le défi climatique, il faut pouvoir planifier. Nous nous appelons à la planification écologique. Ce mot, je sais, parfois fait penser à un imaginaire un peu dépassé, mais en réalité, toutes les entreprises planifient. Elles organisent leur activité dans un temps imparti. Donc il faut s'inspirer des entreprises. Il faut pouvoir planifier et régler la question. Et moi, je suis persuadé aussi, pour ne pas avoir qu'un constat alarmiste et catastrophisme, que nous avons toutes les capacités à le faire. Les compétences techniques existent, les savoir-faire existent, les brevets existent, mais évidemment, ce qu'il y a lieu de faire, en termes de transition du modèle agricole, en termes de transition du modèle énergétique, toutes ces choses passionnantes, tout à fait enthousiasmantes que la France pourrait faire et mettre en partage avec ses voisins européens, eh bien, ne répondent pas aux injonctions du marché. Il faut donc rompre avec ce modèle économique, et j'en termine là. Les jeunes qui se mobilisent pour le climat, qui vont le refaire au mois de septembre, regardez leur mot d'ordre, regardez leur pancarte. Ils ont bien compris où se situait le nœud et que le nœud était le modèle économique. Si la toile de fond reste le libéralisme économique, on ne réglera pas le problème. Mais d'ailleurs, quand je vous écoute, Adrien Quatennens, je me dis au fond, pourquoi est-ce que les jeunes n'ont pas voté pour vous? Ils ont voté ce discours que vous tenez. C'est un discours effectivement qui tient beaucoup à cœur de la jeunesse, mais la jeunesse, elle a voté Yannick Jadot aux dernières élections. Elle n'a pas voté la France Insoumise. Vous êtes complètement décalé aujourd'hui. D'abord, disons une chose, si la question climatique, au-delà même de savoir pour qui on vote, est de plus en plus prégnante, c'est satisfaisant, parce qu'on a un problème à régler, je vous l'ai dit, qui dépasse nos désaccords. Après, c'est vrai, à cette étape, et notamment à l'issue des derniers scrutins, demeure un débat entre nous. Monsieur Jadot, mais ce débat, il a même lieu au sein d'Europe Écologie Les Verts. Monsieur Monsieur Jadot a eu l'occasion dans la campagne de dire que pour sa part, et il a sa cohérence pour lui, il estimait que l'écologie pouvait tout à fait s'accommoder d'une forme de libéralisme économique. Moi, je considère que ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est un débat qui est intéressant, qu'il faut qu'on puisse avoir. Moi, je considère que on doit rompre avec ce modèle économique, qu'on peut le faire et qu'on peut même réindustrialiser le pays avec ce qu'il y a lieu de faire en matière écologique. Jean-Luc Mélenchon a rendu récemment à l'Assemblée un rapport passionnant, je vous invite à aller découvrir, sur l'économie de la mer. On est la deuxième puissance maritime mondiale compte tenu de toutes les frontières qu'a dans le monde la France, notamment sa plus grande frontière est avec le Brésil, vous le savez. On est la deuxième puissance maritime du monde. On fait si peu en matière d'économie de la mer. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait investir considérablement et que notamment... Un autre point de désaccord que j'ai avec Monsieur Jadot, c'est que je dis que ces traités européens qui empêchent d'investir considérablement, qui nous obligent à respecter une forme de doxa budgétaire, nous mettent en retard sur ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez, Apolline de Malherbe, le constat écologique, on peut tous le faire. Et je pense que beaucoup ont le bon diagnostic. Mais il faut voir aussi que l'écologie, elle va quelque part, comment dirais-je, contraindre certains intérêts particuliers. C'est pas parce que j'ai avec d'autres le bon diagnostic que Non mais attendez, juste important. C'est pas parce qu'on fait le bon diagnostic qu'on va nous sauter dans les bras pour dire c'est magnifique ce que vous dites. En bon capitaliste aujourd'hui, face au changement climatique, si vous êtes un bon capitaliste, vous dites pas comment je règle le problème. Mais il y a aussi un business du verre. Justement, parlons-en. C'est-à-dire que certains n'ont pas intérêt à ce changement de modèle. Certains veulent à tout prix que ce modèle persiste. Il peut peut-être même être compatible. Et même, non, je ne le crois pas. Moi, je ne le pense pas. Si on a 12 ans pour régler le problème, je ne le pense pas. La plupart des innovations sont aussi le fait. Mais aujourd'hui, en bon capitaliste, que feriez-vous si aujourd'hui vous n'agissiez que pour l'intérêt de votre profit et que vous voyez. Attendez, c'est important. C'est pas une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire, en gros, il y a les gentils écolos et puis il y a les mauvais écolos. C'est un peu comme les chasseurs. Non, c'est pas une question de. Enfin, franchement, si c'est l'effet que je vous fait en posant le cadre du débat ou en vous disant clairement il y a une question, c'est que tout le monde s'accorde sur le diagnostic mais n'est pas d'accord sur la solution. Franchement, je pense que c'est pas un débat qui peut être résumé à bon écolo, mauvais écolo. Mais aujourd'hui, il faut supporter une chose. Comme j'allais le dire, en bon capitaliste aujourd'hui, si vous aviez à investir, vous investiriez dans la climatisation, peut-être dans les gilets de sauvetage si le niveau de l'eau va monter et vous ne vous occupez pas de comment on règle le problème. Il faut nécessairement des décisions politiques fortes. Parce que oui, la question climatique établit un intérêt général à toute l'humanité et il faut que les intérêts particuliers s'y soumettent. Voilà ce qu'il faut dire. Adrien Quatennens, on a changé récemment de ministre de l'écologie, précisément. Les rapports ont été rendus hier sur l'affaire de Rugy. Travaux justifiés. Aucune irrégularité pour les dîners, sauf trois qui seront remboursés par François de Rugy. Et son adhésion à Europe Écologie Les Verts payée avec son compte personnel, finalement. Est-ce que François de Rugy a donc démissionné pour rien ? Je ne sais pas. En vrai, j'ai envie de vous dire que c'est un feuilleton estival pour lequel j'ai le plus grand mal à me passionner. Je n'ai pas de raison objective de remettre en cause le rapport qui a été rendu par le personnel de l'Assemblée, donc je connais la rigueur. Maintenant, au-delà de cette question et au-delà du respect des règles éventuelles, même s'il persiste cette affaire des trois dîners potentiels sur lesquels il y aura un problème, au-delà de cette affaire et du cas particulier de Monsieur de Rugy, parce qu'en réalité, je pense que si on investiguait dans tous les ministères ou partout, on pourrait trouver aussi peut-être des choses. Insoumise. Mais non, je ne le crois pas parce que nous précisément, nous essayons à chaque étape d'être extrêmement vertueux. Regardez par exemple la charte. Mais est-ce que ça existe d'être 100% vertueux ? Est-ce que ça existe la vertu absolue ? On peut essayer de tendre vers en tout cas. Moi, je pense mais que ça dit quelque chose. Mais quand on regarde chez vous, pardon, il y a quand même eu des affaires. Alors après, vous n'êtes pas au ministère, donc l'acharnement n'est peut-être pas le même, mais il y a eu des questions quand même d'occupation d'appartements à loyer modéré. Il y a eu la question du financement ou des rémunérations de quelqu'un comme Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que, malgré tout, vous êtes prêt, peut-être, est-ce que Sophia Chikirou a été mise en cause par rapport à des montants un enrichissement personnel. Il y a des enquêtes qui sont outrancier. En cours. Non, mais vous voyez bien qu'y compris sur la question des comptes de campagne, je pense que toute la lumière a été faite. Sophia Chikirou est même venue sur votre antenne avec les factures, etc. Mais c'est normal. Moi, je suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit. Je vous dis une chose, c'est que, et puis sur le cas des appartements, c'est pareil. Parce que je vais vous dire une chose là-dessus aussi, Apolline de Malherbe, faut un peu arrêter parce que, vous le savez, vous êtes bien placé pour savoir que pas parce qu'on passe à la télé qu'on gagne beaucoup d'argent. Mmh. Et donc, si vous pensez à certains de mes collègues qui ont été mis en cause, notamment, pour l'occupation d'appartements, sont des gens qui, au cours de leur campagne, avaient pu dire que dès qu'ils seraient élus, ils déménageraient, parce que avant, ils étaient notamment professeurs pour l'un d'entre eux, donc et ils n'étaient pas du tout assis sur un tas d'or, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc aussi, parfois, il faut se dire, pas parce qu'on voit des gens à la télévision qui soient des porte-parole de formation politique que nécessairement, ils pètent dans la soie et ils profitent d'un train de vie particulièrement important. Mais vous sentez bien ce que je veux dire, Adrien Quatennens, c'est que cette recherche de la vertu, est-ce qu'elle n'est pas excessive? Non, mais revenons est-ce que vous n'êtes pas en train, finalement, de vous abîmer avec cela? Non, je crois que où est la limite? Je crois que les Français sont exigeants, Et d'autant plus dans un contexte où on leur demande sans cesse des efforts. C'est vrai que si on regarde le train de vie des responsables politiques, comparativement au train de vie de certains grands dirigeants, c'est sans commune mesure, je veux dire. Mais quelque part, quand vous incarnez la fonction, quand vous êtes représentant du peuple, parlementaire ou ministre, vous devez une forme d'exemplarité. Au-delà même du respect des règles, je veux dire, quand on demande des efforts sans cesse au portefeuille, aux Français, jusqu'à aller grignoter quelques euros d'APL, effectivement, ça pose un vrai problème que de pouvoir être pris la main dans le sac, de boire des grands crus à de grandes tables à l'Assemblée. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, hein, avant d'être parlementaire, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique. Je veux dire, quand on se retrouve à passer du civil comme ça à un mandat, parce qu'il faut rappeler que c'est un mandat, c'est une durée limitée. Bien sûr. Il faut pas banaliser ce qui se passe. Je veux dire, évoluer. Vous voulez dire de l'ordre psychologique, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, par exemple, comme c'est mon cas. À 28 ans, parce que c'était mon âge quand je suis arrivé à l'Assemblée, sous les ordres de la République, etc. On peut se laisser griser ? Mais il faut justement y veiller. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je franchis le seuil de l'Assemblée... Vous avez failli vous laisser griser ? Non, mais je veux dire, je ne banalise pas. Je ne m'habitue pas au décorum, etc. Et je crois que les Français en sont d'accord, c'est leur patrimoine. Mais il faut pas qu'en soit déduit un modèle de vie qui nécessairement vous déconnecterait de la vie des Français. C'est extrêmement important. Les Français, eux, on leur demande de serrer la ceinture. Donc les élus doivent être exemplaires. Après, je mets en garde aussi, c'est vrai, contre certaines cabales politiques qu'il peut y avoir derrière tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est Monsieur de Rugy. Pour vous, il y avait une chasse à l'homme. Franchement, j'ai pas tous les éléments et ça me passionne assez peu. Mais par exemple, je pense que Monsieur de Rugy, sa démission aurait plutôt été le fait de son inconséquence climatique et écologique que de savoir avec qui il a mangé. Là, il n'y avait pas vraiment de raison au fond de démissionner. Il y a une question d'exemplarité, mais moi, je crois que précisément, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'on met pas en cause le fond politique. Enfin, le premier problème avec Monsieur Rugy, c'était son inconséquence en matière écologique. Plus que tout. Parlons des retraites et de la loi bioéthique, deux grands projets de loi qui sont en ce moment sur la table. D'abord l'audition aujourd'hui de Jean-Paul Delevoye sur les retraites devant la commission des affaires sociales où vous siégez. Est-ce qu'il pourrait y avoir une chance qu'il arrive à vous convaincre? Vous, il promet un système de retraite universel. J'aurai l'occasion de discuter tout à l'heure puisque nous allons auditionner Monsieur Delevoye à l'Assemblée nationale cet après-midi et j'y serai. En réalité, je crois qu'il faut dire les choses aux Français. Monsieur Macron prétend que cette réforme des retraites, la réforme de la retraite par points, vise à plus de lisibilité et d'égalité. En réalité, il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que cette méthode de la simplification macronienne, on l'a déjà vue à l'œuvre. Monsieur Macron a déjà simplifié le code du travail, il a déjà simplifié l'assurance chômage, et en général, c'est la novlangue macroniste, mais simplifier, c'est généralement détruire et rendre la vie des gens plus difficile. Mais sur là, le système de retraite. Je voudrais qu'on regarde précisément. Regardons âge pivot précisément. À 64 ans, oui. Âge légal maintenu à 62 ans, et puis sur un certain nombre de points, plus de petites retraites, de très petites retraites, en tout cas, il voudrait remonter le niveau à jamais en dessous de 85%. Du SMIC, majorer les retraites dès le premier enfant et une meilleure reconnaissance des carrières hachées, comme par exemple celle des femmes notamment. Ça va plutôt dans le bon sens, non, à vos yeux. Regardez, Apolline de Malherbe, aujourd'hui, il y a un système de retraite qui fait que vous cotisez, vous êtes en capacité de prévoir quelle sera votre pension de retraite. La réforme par points, en quoi consiste-t-elle? C'est un peu technique, mais il faut l'expliquer. En gros, c'est l'idée de dire tout le monde part d'une même ligne de départ, cumule des points en cours de sa carrière et en fin de carrière, convertit son stock de points compte tenu de la valeur de ce point, en pension de retraite. Donc vous savez combien vous payez, mais tout au long de votre carrière, vous ne savez pas combien vous recevrez. Première chose. Ensuite, il y a la question de quelle est la valeur du point, parce qu'elle peut être modifiée en cours de parcours. On ne le sait pas encore, en effet. Oui, mais il y avait quelques pistes de réflexion. Je poserai notamment la question à M. Delevoye, mais par exemple, il nous disait la valeur du point pourrait être fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Mais vous savez qu'au sein d'une même génération, vous avez des écarts d'espérance de vie, notamment que vous soyez ouvrier ou cadre. Je crois que c'est 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et 5% les plus riches, vous avez à peu près 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc c'est pas par nature égalitaire. La retraite par point va surtout permettre une chose, c'est diminuer le montant des pensions en modifiant la valeur du point, d'une part. Et ensuite, sur la question de l'âge légal de départ, là vous voyez bien qu'on a une fumisterie macronienne. Vous en n'osez règle. Plus dire hypocrisie. Mais non, mais si, c'est de l'hypocrisie. Regardez, Monsieur Macron nous dit on va maintenir l'âge légal à 62 ans, mais créer les conditions par une décote que vous puissiez toucher votre retraite à temps bonus plein malus, en gros. Seulement à 64. Ça veut dire que dans les faits, l'âge de départ sera non plus de 62, mais de 64. C'est un problème parce que, y compris sur la question du chômage, moi je considère quand on a fait son temps de travail, on doit pouvoir profiter de la vie et faire autre chose. Vous savez, aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, elle diminue. Et travailler jusqu'à 64 ans, ça veut dire travailler au-delà de l'âge, de l'espérance de vie en bonne santé. Moi, je pense que quand on a travaillé, on a le droit à une retraite paisible, à s'occuper des siens, à s'engager, par exemple, dans l'associatif, faire d'autres choses. Mais ensuite, il y a une question qui est liée au chômage. Si vous reculez l'âge de départ effectif, vous créez une situation où aux deux extrémités de la vie active, vous avez un chômage qui va croissant. D'une part, vous avez des jeunes qui ont du mal à s'insérer, mais vous savez qu'il y a à peu près 300 000 chômeurs dans ce pays de plus de 60 ans, Apolline de Malherbe, qui pour la majorité d'entre eux ont leurs annuités et qui ne retrouvent pas de travail. Donc moi, je pense que on peut dire que le système de retraite permet de financer la retraite à 60 ans, c'est notre proposition, pour 40 annuités. Comment on le finance? Eh bien, en par exemple mettant à contribution des revenus financiers d'entreprise, mais surtout, j'en termine là, si vous augmentez les salaires, vous créez un cercle vertueux sur la consommation, sur une meilleure consommation, mais vous avez aussi plus de cotisations. Salaire, plus de cotisations. Si vous créez de l'emploi, tout à l'heure juste on parlait de transition énergétique, tout est lié. Si on industrialise le pays pour relever le défi climatique, on va créer plein de nouveaux emplois, plein de nouvelles compétences, plein de nouvelles formations. Ces nouveaux emplois vont aussi susciter de nouvelles cotisations. Il faut tout penser quand de manière systémique. Quand on vous écoute, la vie est belle et tout pourrait être bien. Non, pas du tout. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on a des solutions et que si on se donne les moyens de changer un peu notre logiciel, vous savez, de mettre le vieux logiciel à la poubelle et de mettre un nouveau logiciel à l'heure du jour, on pourrait. On a déjà fait du nouveau monde. Merci. Pas exactement le nouveau monde. Là, je vous parle parce que le nouveau monde, c'est la forme. Moi, je vous parle du fond. C'est le fond qu'il est urgent de changer à présent. Vous l'aurez compris. Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, numéro 2 du mouvement. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Bel été.